Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippee-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Et il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 46 du Bras de fer des films, un podcast où on parle de cinéma et où on met en opposition un classique à un nanar ou un navet, selon le cas. Mon nom est Jean-François Tremblay et en ma compagnie, j'ai mon fidèle acolyte de toujours, Steven Lefrançois. Salut Steven! Tchou-tchou! Salut JF! En fait, je fais tchou-tchou, c'est pas un train, c'est un bateau. J'ai essayé de faire comme une sonnerie de bateau puis ça a fait un train. Tu l'as pas. Je l'ai jamais, JF. Je l'ai jamais. Ça va bien? Très bien, oui. Good. Très content de ton choix de film pour cet épisode. Un épisode à thématique marine, un peu comme on avait fait avec Horror Gamer il y a 3 jours. Ouais. Mais vas-y, en nous présentant les films, parce que c'est toi qui avais choisi la catégorie et les films. Bien sûr, pour le classique, j'y étais avec L'aventure du Poséidon de 1972. Puis pour le nanar navet, j'y étais avec City Hunter de 93 avec Jackie Chan. Deux films qui ne se ressemblent pas du tout. Et comme non. Comme on a l'habitude ici sur notre podcast. Aucunement, sauf que les deux films se passent sur un bateau de croisière. C'est le plus gros lien qu'il y a. Fait que moi, j'ai rien de spécial à annoncer. On va parler à la fin de l'épisode du prochain live et de qu'est-ce qui s'en vient, mais sinon, j'ai rien d'autre. Là, fait que... Moi non plus. Bon, ben, là-dessus, commençons tout de suite le match de bras de fer. L'aventure du Poséidon est le titre en français donc du film The Poseidon Adventure, un film réalisé par Ronald Neame, je dis mal son nom, c'est N-E-A-M-E. C'est sorti en 1972 et c'est produit par Irwin Allen qui a produit beaucoup de films de catastrophe. C'est donc un film catastrophe. C'est écrit par Wendell Mays et Sterling Silliphant qui a aussi écrit La Tour Infernale. Et c'est basé sur un roman, en fait, de Paul Gallico. Et ça met en vedette une belle gang d'acteurs, une belle brochette d'acteurs, en fait. Oui. Gene Hackman, Ernest Borgnine, Red Buttons, Roddy McDowall, Carol Linley, Shelley Winters, Leslie Nielsen. J'y venais. Ah, okay. On dirait que j'avais tellement peur que tu l'oublies, je sais pas pourquoi. Leslie Nielsen! Dans un rôle sérieux. Ouais. Et Jack Albertson, je veux juste mentionner, pendant qu'on est dans les acteurs, dans le fond, Jack Albertson que je viens de nommer, c'est le grand-père dans Willy Wonka. Sinon, Roddy McDowall, ben moi je le connais très bien, mais comme Steven le connaît surtout comme Peter Vincent dans Fright Night, mais il a joué aussi Cornelius et dans La Planète des Singes et dans ses suites, il a joué dans toutes sortes de films. C'est un gars qui était un enfant vedette dans les années 40 puis qui a joué jusque dans les années 90. Sinon, Red Buttons, ben je voulais justement dire aussi que dans le cast, dans la distribution du film, quasiment tous les acteurs qu'on a là ont joué dans des films qu'on a couverts dans le bras de fer des films ou dans Horror Gamer, c'est une coïncidence. Mais Gene Hackman, on en avait parlé dans les Royal Tenenbaums. Ernest Borgnine a joué dans Marty, dont on a parlé. Red Buttons, c'était celui qui jouait dans The Longest Day. Il faisait un parachutiste qui restait accroché à une église. Oui. Ensuite, on a Shelley Winters qui a joué dans The Tenant, dont on a parlé sur Horror Gamer. Fait que non, c'est une très très belle brochette d'acteurs. Et donc, le film raconte l'histoire du Poséidon, un paquebot de croisière qui est retourné en pleine mer par une lame de fond. À l'intérieur, 10 survivants, menés par un pasteur énergique et déterminé, essayent de se frayer un chemin à travers la carcasse du bateau renversé pour remonter jusqu'à la coque, seule issue possible. On écoute un extrait et on revient tout de suite. Voulez-vous m'écouter, je vous prie? Voulez-vous m'accorder une seconde d'attention? La sortie est par là! Et c'est notre seule chance! Mesdames et messieurs, ne l'écoutez pas! Nous devons rester ici en attendant du secours et nous ne bougerons pas! Du secours d'où? Du commandant, peut-être? Il est mort! Toutes les personnes qui étaient sur le pont au moment où le navire a basculé sont mortes parce qu'elles se trouvent maintenant au-dessous de nous, sous l'eau! Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est faux! Non, c'est la vérité, imbécile prétentieux! Il n'y a personne de vivant à part nous. Et nous ne pouvons compter sur personne excepté sur nous-mêmes. C'est l'affaire de chacun de vous. Nous sommes tous concernés. Tous! Ne perdez pas de temps. Venez avec moi. Je vous interdis de me suivre. Il ne connaît rien à ce bateau. Il nous mène à la mort. Le commissaire a raison. Pas de vos affaires. Donc, l'aventure du Poséidon. Si tu me permets, je vais juste dire ma petite histoire avec le film parce que je suis un gros fan des films catastrophes des années 70. Je suis né en 77, j'ai grandi dans les années 80. Ma mère, j'ai appris à aimer le cinéma que ma mère aimait plus que. J'allais dire plus que celui de mon père, en fait. C'est deux genres différents, là, tu sais. Mais ma mère, elle aimait beaucoup les films catastrophes, puis j'aimais les films, tu sais, comme justement La planète des singes dont j'ai parlé tantôt, puis. Ça, c'est pas vraiment un film catastrophe, mais ça en est un dans un genre. Mais j'aimais beaucoup les films, justement, comme le Tremblement de terre avec Charlton Heston. J'aimais La Tour infernale, qui reste encore La Tour infernale, mon film catastrophe préféré. Puis Le Poséidon aussi, je l'ai vu de nombreuses fois. Et j'ai même, tu sais, je courais, pendant un bout de temps, je courais tout ce qui avait rapport avec ça, là, tout ce qui avait rapport avec ces films-là. Par rapport au Poséidon, ben, il y a une suite en 79 qui est sortie que j'ai vue quand j'ai appris que ça existait. Il y a eu un téléfilm en 2005 avec Peter Weller puis oui, ça, je le sais. Adam Baldwin. Oui, parce que tu as essayé de t'acheter l'original pendant un bout de temps, puis tu trouvais juste le remake téléfilm. Là, dans tous les magasins. Puis j'étais comme, mon Dieu, je suis tombé pas chanceux. Le téléfilm, il y a un casting intéressant. Comme je dis, il y a Peter Weller, il y a, je pense qu'il y a... Ouais, Alec Baldwin. Adam Baldwin. Il y a, Adam? Oui, pas Alec, c'est Adam. Il y a, voyons, Steve Guttenberg. Il y a, comment il s'appelle? Je me trompe tout le temps avec son nom, lui, Brian Brown, celui qui joue dans Cocktail. Anyway, il y a plein de monde. Puis, il y a eu un remake en 2006 pour le grand écran avec Kurt Russell. Puis, je me souviens plus d'autres qui étaient là-dedans, mais... Réalisé par Wolfgang Petersen. Exact, c'est vrai, oui. Fait que c'est ça, non, c'est des trucs que je suivais. Puis c'est ça, j'aime beaucoup les films catastrophes de cette époque-là. Il y a un charme, il y a quelque chose. C'était un peu le début du genre. Puis c'est aussi grâce à Irwin Allen, je veux dire, il y a sa patte. Là. Tu sais, ce gars-là, c'est un producteur qui faisait de la télé au début. Je pense qu'il a créé Lost in Space, il a créé plusieurs séries de science-fiction, des trucs comme ça. Puis après ça, il s'est lancé dans les films catastrophes. Puis tu voyais son nom au début d'un film, tu savais que ça serait un film spectaculaire. Là. J'ai déjà vu un documentaire sur sa carrière, puis c'était vraiment fascinant, lui, ce gars-là. Puis, fait que c'est ça un peu mon histoire. J'étais pendant longtemps un très, très gros fan du film. Ça faisait, avant de le revoir dans les derniers jours, ça faisait... quand même un bon moment que je l'avais pas vu, peut-être une dizaine d'années depuis le remake. Que j'étais curieux de revoir si mon opinion allait changer, puis on va en parler bientôt, mais je te laisse me parler de ton histoire avec le film. Oui, ben comme tu disais, c'est moi qui ai choisi les deux films, puis normalement, quand c'est à notre tour de choisir, on y va avec des films qu'on adore pour faire découvrir ceux-là à notre collègue. Mais L'Aventure du Poséidon, je l'avais jamais vu de ma vie. J'ai seulement vu le remake avec Kurt Russell. Puis je trouvais que ça manquait pas mal à ma culture de film original. Puis comme toi, j'aime beaucoup les films de catastrophe. Sauf que moi, vu que j'étais un petit peu plus jeune que toi, j'ai plus grandi avec Le Sommet de Dante, avec Pierce Brosnan, ou Twister avec Bill Paxton. Ça, c'est pas mal les films de catastrophe que j'adore. Puis j'avais manqué beaucoup de gros classiques des années 70. Mon père m'a quand même fait découvrir Tremblement de terre à New York. Puis j'avais vu une partie de Tour infernale, mais ça fait trop longtemps. Lui aussi, il faudrait que je me la retape, honnêtement. Puis là, je me disais, tiens, je pense qu'il serait temps là, de, de faire l'aventure du Poséidon. J'ai envie de le voir, puis j'aime beaucoup le concept. J'aime l'idée de base que le monde soit coincé dans un bateau à l'envers sous l'eau. Je trouve que ça a le synopsis parfait pour avoir un film haut en suspense puis en rythme. Fait que j'étais vraiment très intrigué de voir ça. Puis je me disais, cool, en même temps, je vais essayer de faire un spécial croisière. Fait que j'essaie de trouver un anneau navet qui se déroulait aussi sur un bateau, là. J'ai failli prendre Speed 2, pour être honnête, mais j'ai laissé faire. Ça ne me tentait pas de le revoir, forcément. Je suis en train de checker sur IMDb, parce que tu as mentionné Tremblement de terre à New York, puis c'est pas celui dont je parlais, mais toi, tu parles de... Ça met en vedette qui, ça, Tremblement de terre à New York, celui dont tu parles? Sans doute que j'ai juste rajouté New York, mais que ça n'a pas de lien. Moi, je parlais vraiment de Earthquake. Donc... OK, avec Charlton Heston. Ouais, c'est ça. Ça se passe à Los Angeles, ouais. Je pensais que le titre en français, c'était probablement de Terre à New York, mais ça doit être un autre film, ça. Oui, il y en a un autre en 99 avec Jennifer Garner, un film pour la TV. OK, ouais, là, je me rappelle où c'est que je l'ai vu. Ça aussi, je l'ai déjà vu. Mais tu sais, ça fait un bout de temps que je ne suis plus les films catastrophes. J'ai même pas vu 2012 parce que je pense qu'à ce moment-là, je n'avais eu plein mon casque. Je trouvais que c'était trop... Les effets spéciaux, mais tu sais, il y en a juste trop. Depuis qu'ils ont intégré le CGI dans le film catastrophe, je trouve ça... C'est tout, moi. Tu as mis seulement sur les effets spéciaux, puis les personnages, tu t'es encore... Tandis qu'à l'époque, tu sais, je veux dire, j'écoute Twister, j'écoute pas ça juste pour voir les effets spéciaux impressionnants. Ouais. J'aime le personnage de Bill Paxton puis les autres. Là. Mais le dernier que j'ai aimé, puis si je me souviens bien, c'est Roland Emmerich, c'est The Day After Tomorrow, puis je dois lui donner ça, là. J'avais bien aimé les personnages puis l'histoire, mais... Peut-être que j'aimerais 2012, là, mais j'ai juste pas... Oh non, t'aimerais pas 2012, t'aimerais pas les personnages. Je peux te le garantir. Ça a été pas mal le dernier film catastrophe que j'ai aimé. Ouais. Là. Moi, le dernier film catastrophe que j'ai vu, c'était Into the Storm, que je trouvais que c'était un genre de retour à la Twister quand on regardait le trailer. J'étais comme, cool, ça va être le fun! Puis non, finalement, c'était juste un fan footage caché, puisque quand on regardait le trailer, ça avait pas l'air d'un fan footage, puis c'était plutôt mauvais. Mais c'est ça, fait que tu viens de le dire, les personnages, quand il n'y a pas de CGI, les personnages sont mis à l'avant-plan, puis c'est ce qu'on trouve, selon moi, dans le Poséidon. Il y a un casting de la mort, puis les personnages sont vraiment diversifiés, sont bien définis, sont bien, ils ont tous chacun leur histoire, ils ont tous chacun leurs petites affaires, leur caractère, puis tout, puis... Puis personne n'est laissé de côté. Ils ont vraiment tous chacun des longs moments qu'on passe avec eux puis qu'ils vont discuter. Il n'y a vraiment aucun personnage du groupe qu'on va suivre qui va être laissé de côté. Fait que c'est vraiment bien. Oui. Mais le film commence un peu bizarre. Puis le début, je m'en souvenais pas. Puis il y a une raison, c'est parce que je le trouve très décousu le début puis je le trouve pas si nécessaire que ça. Mais ça arrive souvent dans les films catastrophes de cette époque-là où ils vont nous présenter tous les personnages un par un dans des petites scènes un peu anecdotiques là, qui sont pas vraiment si intéressantes que ça. Puis le début, je le trouvais so-so. Là, tu vois le Ernest Borgnine et sa femme est malade, elle a le mal de mer, puis ils reçoivent la visite du docteur qui donne des pilules. Après ça, tu vois Red Buttons qui fait de la marche rapide sur le pont. Tu vois puis il court vraiment bizarre. Ouais, mais c'est un genre de marche rapide. Il y avait des compétitions de ça, je pense, aux Olympiques avant, je sais pas trop quoi, on en voyait souvent, mais je pense qu'on n'en voit plus maintenant. Mais les gens marchaient comme ça, puis s'entraînaient comme ça. Mais lui, il exagère un peu le mouvement, mais ça ressemblait beaucoup à ça. Tu vois toutes les... personnages qui vivent des affaires qu'on s'en fout un peu. Tu as les deux adolescents, Robin puis Suzanne, qui sont dans leur cabine. Puis en tout cas, peu importe, on s'en fout un peu de ce qui se passe. En fait, c'est même pas... comme je dis, c'est anecdotique. Ça fait juste remplir le temps, mais c'est quand même pas si pire. Parce que je dis que c'est pas si intéressant que ça, mais au moins ça dure pas trop trop longtemps parce que le film commence assez vite là, quand même. Là, je trouvais que j'avais l'impression que le réalisateur ou peu importe le scénariste savait pas trop comment commencer le film ou comment présenter les personnages. Fait que c'était un peu tout croche. Puis surtout que le film débute vraiment comme le bateau est déjà dans une espèce de tempête. Fait que je me disais, OK, le film commence-tu comme dans la première minute tout de suite à se faire renverser de côté puis qu'on va découvrir les personnages par la suite, parce que j'étais comme, j'aimerais ça peut-être les connaître un peu avant l'accident. Oui. Puis c'est ça, les scènes, comme je viens de dire, ils mènent à rien. Ils nous font pas apprendre tant de choses de ça, à part que Ernest Borgnine, c'est un chialeux, puis on n'apprend pas grand-chose de plus sur les sur les personnages. Et... Mais comme tu dis, ça dure pas super longtemps. Ça prend pas de temps avant qu'on arrive à l'espèce de fight au milieu du bateau puis que la vague va arriver. Fait que c'est pas un gros défaut. Là. C'est pas ce qui va venir abaisser la non, qualité du film. Je pense que la catastrophe arrive, tu sais, je pense, après 15 ou 20 minutes dans le film. Fait que... mm-hmm. Ça, on a ces introductions-là, puis comme tu viens de le dire, on a la scène dans le genre de salle de bal, puis avec un groupe qui joue une chanson. Cette chanson-là a gagné la chanson a gagné l'Oscar de la meilleure chanson cette année-là, puis ça a été un gros succès en 73 la sortie du film, oui. dans le générique, ça s'appelle « The Song from the Poseidon Adventure », c'est le titre qu'ils ont donné officiellement, mais les gens s'en rappellent comme étant « The Morning After », ça a été un succès à la radio à l'époque. Mais la chanson est bien quétaine, tu sais. Vraiment pas très bonne. Puis, mais c'est ça, c'est pour nous introduire un peu au personnage de la chanteuse, tu sais, qui est mon personnage que j'haïs le plus dans le film, mais je vais en reparler plus tard. Puis c'est ça, on voit tous les gens qui s'amusent, qui dansent, qui fêtent, parce que c'est le 31 décembre, fait que là, c'est près de minuit, tu sais, fait que tout le monde fête la nouvelle année, tout ça. Puis c'est là que ça va arriver, tu sais, la catastrophe va arriver. C'est une grosse lame de fond, comme ils appellent, parce qu'il y a eu un tremblement de terre en pleine mer, puis l'eau s'est soulevée. Puis ça me faisait peur, moi, quand j'étais jeune, quand je voyais ça, là, puis je voyais le plan de la grosse vague qui arrive au loin, là, ce genre de catastrophe-là, ce genre de... L'idée même qu'une grosse vague puisse être créée comme ça, puis j'ai lu vaguement tantôt avant qu'on enregistre, puis ça, ce genre de choses-là peut arriver, fait que, tu sais, c'est effrayant. Je sais pas comment je réagirais, là, mais je verrais ça pour de vrai, puis je capoterais. Là, mais le build-up de la scène, je la trouve stressante. Oui. Avec le radar, puis tu sais que ça s'en vient. Fait que je trouve qu'il y a un bon build-up avant que la vague finisse par atteindre le bateau. Et, par contre, je dois avouer que je trouve la scène pas tant réussie que ça. Lorsque la vague atteint le bateau, puis le bateau commence à tourner de côté, je la trouve Je veux pas dire moins efficace qu'avant, vu que je l'ai jamais vu, mais on dirait que je la trouve moins efficace que qu'est-ce que ça devait donner à l'époque. Parce que j'imagine, c'est vu que l'année que le film a été fait, ben, la scène se concentre surtout à l'intérieur avec le bateau qui revient puis le monde qui tombe. Mais je trouvais que les plans de côté lorsque les gens glissent puis tombent du plancher, ça paraissait un petit peu trop que c'est juste on tourne la caméra pour on tire les gens d'une manière. Fait que je trouvais qu'elle faisait un petit peu fake par moment. Mais en même temps, ça ne dérange pas tant que ça, parce que je trouve par contre que tout le reste, par contre, va être de très bonne qualité, puis j'ai pas vraiment d'autres reproches à faire en termes d'effets spéciaux. Moi, ouais, non, c'est ça. T'sais, ça aurait pu être mieux, mais en même temps, je pense que ça a été fait avec un certain budget limité, le film. Mm-hmm. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, puis... Non, c'est sûr, comme tu dis, ça aurait pu être meilleur, puis surtout que selon les standards d'aujourd'hui, ça passe plus, mais... Pour l'époque, c'est correct. Ça... Puis la musique crée une tension, puis le montage, tout ça, ça crée une certaine tension quand même. Là. Il y a des chaises qui bougent pas. Sont-tu vissées dans le plancher? Ben, ce que je disais tantôt, c'est que sur certains bateaux, quand il y a un mauvais temps dehors, ben, ils vont attacher les chaises avec ce qu'ils appelaient du elastic rope que je voyais tantôt, des cordes élastiques. Okay. Fait que pour ça, c'était logique. Les gens se sont posés la question. Puis oui, ça... Parce que l'auteur du roman, il avait fait un voyage sur un bateau de croisière, le Queen Mary. Puis le bateau, c'était comme renversé un petit peu sur le côté durant une grosse tempête. Puis ça y avait comme inspiré le roman, tu sais, l'idée du roman. Puis il s'était informé de savoir est-ce que ça pourrait arriver qu'un bateau revire de bord, tout ça. Puis selon ses recherches, ça pouvait arriver. Puis je pense que la plupart des détails techniques sont quand même assez fidèles à ce qui pourrait arriver dans la réalité. Là, okay. Il y a sûrement des petites prises de liberté qui a été, petites libertés qui ont été prises quand même pour le scénario. Là, mais il y a des. Mais pour les chaises attachées, oui, je pense que dans certains cas, ils attachent les chaises. Puis les tables étaient vissées en général dans mm-hmm. le sol. Ça, je m'en doutais vu que la plupart des personnages s'accrochent aux tables et aux chaises. Lorsque le bateau est complètement à l'envers. Là. Puis, juste un autre petit bout de trivia, mais toute la salle de bal, toute cette scène-là, en tout cas, a été tournée dans le vrai bateau, le Queen Mary, qui est comme accosté à un port en permanence, là, parce qu'il fonctionne plus maintenant. Mais tout ça, ça a été tourné dans le bateau, justement, sur lequel il avait fait son voyage, lui, à l'époque, avant d'écrire son roman. OK. Fait que non, sinon, mais c'est ça, comme tu dis, les après ça, t'sais, une fois ce passage-là, tout le reste du film est quand même très, très beau au niveau de la production, du design, tout ça, visuellement. T'sais, fait que ça... Hey, que je cherche mes mots aujourd'hui, ça, ça compense pour... Ça compense pour cette scène-là, parce que la plupart des pièces, veut pas, tout va être à l'envers. Puis je trouve que le soin au détail est quand même bien réussi, qui passe par des couloirs, la salle de cuisine, les escaliers. Les toilettes, à un moment donné. Les toilettes. Puis, tu sais, je me mettais à leur place, je me disais, OK, là, faut que tu penses au même chemin que tu prenais, mais là, faut que tu te dises que c'est à l'envers. Puis je suis comme, hey, je serais tout mélangé. Puis ça a l'air vraiment d'un sacré défi d'essayer de retourner en haut du bateau. Puis en plus, ce qui est cool, c'est qu'un coup qui arrive tout ça, puis que les personnages réussissent à monter puis à commencer leur chemin, puis qu'on va suivre vraiment un groupe en particulier, je trouve que le film a vraiment aucun temps mort. Il arrive tout le temps de quoi, c'est tout le temps intéressant. Fait que je trouve qu'en termes de rythme puis d'aventure, le film tient vraiment son bout. Puis tu sais, pour un film de 72, là, je veux dire, il y a bien des films dans ces années-là qui par moment pouvaient trouver ça long parce qu'il y avait des scènes de dialogue un peu interminables sans vouloir généraliser. Mais je trouve que le Poséidon, il tient vraiment bien la corde, contrairement au remake qui est quand même assez identique, mais que tu t'en fous des personnages, puis que finalement, entre-temps, je m'emmerdais dans celui-là. Je m'en souviens pas assez du remake pour pouvoir le comparer. Mais c'est vraiment identique. Il arrive vraiment la plupart des choses. Là. Mais t'as raison qu'il n'y a pas de temps mort parce que moi, je l'ai regardé. Je l'ai commencé à 11h30 le soir. Tu sais, je savais déjà tout ce qui se passait dans le film, mais c'est pas grave. Je m'attendais pas à le finir. Puis je me suis dit, au pire, je vais écouter une heure puis je vais le finir le lendemain. Je l'ai écouté à 11h30. Puis à 1h30, j'étais encore sur le bout de mon siège. Là, tu sais, à 1h30 du matin. Puis il est tellement le fun. J'ai tellement du fun avec ce film-là. Puis ce que j'arrivais pas à comprendre, je pense, quand j'étais jeune ou à mettre en mots, c'est pourquoi j'aime autant les films catastrophes, c'est de me mettre dans cette situation-là dans ma tête. T'sais, je pense que c'est la même chose avec les films d'horreur quand on se demande des fois comment moi j'agirais à la place du protagoniste. Mais c'est la même chose avec les films catastrophes. Puis dans ce film-là, en particulier, tu as une scène justement après que le bateau se soit reviré dans la salle de bal où les gens ont à prendre une décision. Est-ce qu'on monte sur le sapin qui a été placé pour pouvoir monter? Où on reste là avec un des gars de l'équipage, puis l'autre vieux prêtre qui veut pas bouger. Mm-hmm. Puis c'est ça, tout dans ta tête, à ce moment-là du film, tu te poses la même question. Tu sais, moi, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? C'est dur d'imaginer exactement comment tu te sentirais dans une situation comme ça, parce qu'il y a plein de circonstances qui font que tu te sentirais peut-être... stressé, puis tête un peu partout. C'est ça, mais tu saurais pas qui suivre non plus, parce que ce gars-là... Tu le connais pas, ce prêtre-là, qui est joué par Gene Hackman. Puis surtout que c'est un prêtre très, très rebelle. Puis lui, il dit lui-même, tu sais, puis il est un peu en désaccord avec avec l'Église. Puis ils lui ont enlevé beaucoup de ses pouvoirs, mais ils l'ont quand même gardé comme prêtre. Puis les gens sont pas tous nécessairement d'accord avec lui. Fait que, tu sais, à cette époque-là, c'était très important. Tu le vois au début du film, tout le monde va à son sermon, même si... parce que c'est le seul quasiment qui est là pour donner ça. Tu sais, puis les gens veulent... aller à la messe, parce qu'en 72, c'est encore important, tu sais. Moi, en tant que tel, je me posais la même question durant cette scène-là, puis je me disais que je pense que je serais pas capable de me rester là, puis j'essaierais de m'en aller plus haut, parce que, tu sais, veux pas, t'es complètement en bas du bateau, même si t'attends les secours. Les secours, il faut qu'ils se tapent un méchant chemin jusqu'en bas pour venir te chercher. Fait que je pense que je tenterais le coup avec Gene Hackman, surtout que Gene Hackman, dans le film, Il a l'air vraiment de savoir quoi faire. Puis tu sais, t'as envie de le suivre parce que tu veux pas, tu fais confiance. Puis t'as l'autre personnage qui jouait Marty, qui est vraiment un peu l'espèce de Cooper de Night of the Living Dead, mais dans la version bateau. Pour celui-là, je trouvais vraiment qu'il avait le même genre de personnalité. Puis qui est tout le temps en train de penser le contraire de Gene Hackman, mais qui il a pareil un petit quelque chose qui se dit, gars, je vais lui faire confiance pareil, je vais le suivre, là, puis ça va être comme ça. Là. Parce qu'il reconnaît en lui aussi quelqu'un qui vient du même milieu, puis il le dit à deux, trois reprises dans le film. Mm-hmm. Tu sais, il n'arrive pas à comprendre qu'un prêtre comme ça puisse parler comme ça, utiliser le langage que le prêtre utilise des fois, puis il dit, voyons, on dirait que tu viens du... en anglais, dit, on dirait que tu viens des slums, on dirait que tu viens des quartiers pauvres, tu sais. Fait que, ouais. Puis c'est probablement de là que vient Gene Hackman, tu sais, puis il y a de la misère à comprendre ça, chose. Ernest Borgnine, mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, tu dis ça, mais Ma question, c'est est-ce que tu suivrais Gene Hackman parce que toi, Steven, tu connais Gene Hackman comme acteur puis tu le trouves sympathique. T'sais. Mais toi, dans cette situation-là, tu as un prêtre que tu connais pas en tout, tu es un esti de prêtre rebelle. Mettons que toi, tu es religieux puis tout, t'sais, à l'époque, là, t'sais, en 72, puis ce jeune prêtre-là, arrogant, là, t'sais, qui run tout le monde, là, t'sais, puis. Mais en fait, c'est pas parce que c'est Gene Hackman que je dis ça, c'est parce que dans la scène en question, le personnage, la manière qu'il parle, son Ouais. speech, puis qu'est-ce qu'il dit, je trouve que ça fait du sens. Ben, je suis tout à Puis... fait d'accord aussi, tu sais. Fait que c'est vraiment pour ça, moi, je le suivrais, et non juste parce que c'est Gene Hackman. Puis en fait, dans vie, je pense pas que je ferais forcément confiance à Gene Hackman, là. C'est pas un gars dans mes favoris, forcément. Tu sais, Tom Cruise, il me demanderait de sauter en bas du pont, je le ferais, mais non, c'est pas vrai, là. Mais Gene Hackman, non, c'est vraiment plus son personnage, puis... Je trouve qu'il a vraiment l'air d'un leader, puis tu sais, qu'est-ce qu'il dit, ça fait du sens. C'est pas comme s'il commencerait à dire n'importe quoi, qu'il part un peu sur ses grands chevaux, puis il faudrait le suivre, là. Je trouve quand même qu'il a une tête sur ses épaules, puis qu'il cherche vraiment à essayer de s'en sortir, là. Ah, je suis d'accord, mais juste avant de revenir là-dessus, une chose sur laquelle je suis pas d'accord, c'est que moi, je suivrais Gene Hackman avant de suivre Tom Cruise, mais c'est une question de préférence. J'ai tout le temps préféré Gene... Ouais, mais avec Tom Cruise, dis-toi que l'impossible devient possible. Ouais. Ok, t'es pas convaincu, c'est correct. Non. Mais en tout cas... Mais c'est ça, non, mais il y a une phrase qui dit dans cette scène-là aussi que, tu sais, t'as des personnages... En entendant sa phrase, on a l'air tout surpris, mais à un moment donné, il dit, là, vous attendez quelle aide, là? Vous attendez, tu sais, les gens qui étaient au-dessus de nous autres sont en dessous de nous autres maintenant, sont tous morts, le capitaine est mort, tu sais. Les gens ont l'air de réaliser quand il dit ça, fait, hein, c'est vrai, là, on n'avait pas pensé à ça. C'est comme, wake up, people, tu sais, il n'y a plus personne en haut, ils sont tous en bas, là, tu sais. T'sais, surtout que les secours vont arriver, même s'ils rouvrent la coque, je pense pas qu'ils connaissent comme il faut un bateau, puis surtout un bateau à Ah, l'envers, se mais taper encore tous là. les chemins. Mais encore là, jusqu'à ce point-là du film, personne est vraiment sûr que les secours pourraient ouvrir la coque. Parce que comme Rogo il dit, le Ernest Borgnine, il dit c'est ben trop épais cette affaire-là. Ça prend le petit garçon qui est un fanatique de bateau pour dire non, il y a une partie de la coque qui est genre qui fait juste un pouce d'épaisseur, tu sais, mais. Puis que Ernest veut pas le croire parce que justement c'est un petit garçon, puis que les petits garçons, ben, ils disent de la merde. Mais c'est un peu pour ça, tu sais, que les gens voulaient pas aller là parce que mais c'est même trop épais, tu sais, même s'il y a des gens qui viennent, ils pourront jamais rentrer, tu sais. C'est vraiment une chance à prendre de mon métier en même temps, c'est la meilleure chance à prendre parce que moi, si j'étais là, ma solution à moi aussi, ma logique me dirait monte en haut, tu sais, essaye de trouver une sortie, tu sais, reste pas là. Non, c'est sûr. Surtout si t'as une femme ou un enfant ou quelque chose avec toi, tu sais, hey, on va se sauver, là. En fait, moi, je te suivrai. Faudrait que ça soit toi le leader, puis je te suivrai. Je suis tellement pas leader. Mais c'est ça, tu sais. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est vraiment passionnant. Et on choisit des bons personnages, je trouve, sauf un qui aurait. Moi, j'aurais préféré que ce personnage-là reste en bas. Je suis méchant, là, mais. Oh. La chanteuse. Oui, non, Elle c'est d'accord. sert absolument à rien dans le À film. crier. À rien. Rien pantoute. Elle fait rien. Les autres, je peux toutes leur trouver une petite utilité, mais elle, rien pantoute, tu sais. Elle fait Non, je suis juste d'accord. avoir peur. Elle fait juste ralentir tout le monde. Tu sais, elle sert d'amoureuse pour le personnage de joué par Red Buttons, mais tu sais, en même temps, c'est un peu creepy parce qu'on sait qu'ils sont grands-pères, là, tu sais. C'est le personnage faible du groupe, puis il est pas intéressant. Elle est pas capable de rien faire. T'sais, même jusqu'à la toute fin, à un moment donné, faut qu'elle nage pendant un grand bout de temps. J'ai jamais appris à nager. C'est comme, mais putain de merde, tu sais rien faire. Même l'échelle, elle est pas capable de monter l'échelle. Ben non. T'sais. Elle est pas Ben capable de c'est se rendre compte que son frère est mort. T'sais, ça prend un Red Buttons pour lui dire, je pense que votre frère est mort. Puis elle fait comme une face. Hein, t'sais, c'est... Il est vraiment mort. Mais tu sais. Moi, c'est drôle, le personnage au début que j'étais plus sûr, puis ça me faisait chier de dire ça, mais c'était le personnage de Ernest Borgnine. Parce qu'au début, je suis comme, il est tellement antipathique, puis comme je disais, moi, il me rappelait Cooper, puis j'aime pas Cooper dans Night of the Living Dead. Fait que j'étais comme, j'espère que le personnage va finir par prendre une tournure différente parce qu'il est vraiment antipathique. Puis, tu sais, au fur et à mesure que ça avançait, je trouvais que veut, veut pas, ça fitait avec sa personnalité, puis que on finissait pareil à s'attacher au personnage, puis avec certains événements qui vont arriver, mais tu sais, j'avais de la peine pour lui. Là, fait que... Mais au départ, j'avais de la misère avec le personnage. J'étais comme, je suis tellement habitué de voir Ernest souriant. C'est tout le temps le gars full amical dans tous les films que j'ai vus. Tu sais, même dans Escape from New York, là, il est tout le temps souriant, tout le temps le fun. Là, dès le début, la première scène que tu le vois, il fait juste chialer. Tout le monde n'avait pas d'idée de fermer sa gueule parce qu'il est jamais content. Puis je suis comme, mon Dieu, c'est pas le Ernest que je suis habitué de voir dans les autres films. Là. Non, j'avoue. Mais tu viens de dire que t'aimes pas Cooper dans Night of the Living Dead. Cooper, moi, je le trouve intéressant parce qu'il ajoute un obstacle de plus pour le personnage principal. Oui, sauf qu'il veut rien faire. Il veut rien aider. Non, je sais. C'est frustrant. C'est comme barricade la maison. Faites quoi pour te la protéger? Non, on reste juste dans le sous-sol. Puis en même comme... temps, ben, moi, je trouve ça intéressant. Ben, les gens en ont souvent parlé dans des études sur le film ou des trucs comme ça, des articles là-dessus. Mais le côté politique de la chose, c'est le blanc père de famille probablement qui a un petit peu d'argent qui décide de rien faire contre le noir qui essaie de sauver tout le monde pis, c'est un peu ça je pense dans Poséidon, il faut se mettre aussi à l'époque, comme je disais tantôt, la religion prend un certain, c'est pas pour rien que Gene Hackman est un révérend là-dedans là, c'était important à l'époque, puis les gens commençaient à rejeter, surtout la jeunesse rejetait la religion, fait que tu vois les jeunes vont plus facilement suivre Gene Hackman que lui, c'est qu'il vient d'une autre génération, tu sais. Puis qu'il trouve ça bizarre, un révérend qui sacre puis qui donne des instructions comme ça. Mais c'est juste pour ça, je pense. Mais je trouve que c'est un adversaire intéressant, là. C'est un genre de conflit intéressant entre les deux. Deux leaders qui rentrent tout le temps l'un dans l'autre. Ben, tu sais, je peux même pas vraiment dire si Ernest Borgnine c'est un leader là-dedans parce qu'il... Est-ce que t'aurais suivi Ernest? Non, pas vraiment. C'est juste quand il, vers la fin du film, quand il prend le relais, là, qu'il se réveille un peu, là, mais je veux pas révéler trop de choses tout de suite, mais on va spoiler anyway pour ceux qui l'ont pas vu, là, vers la fin du film, on va spoiler la fin, vers la fin de notre segment. Roddy McDowall, c'est dommage parce qu'il y a pas grand-chose à faire dans ce film-là, j'aime beaucoup cet acteur-là, mais il s'en débarrasse vite, je trouve. Il est pas mal de côté, il veut pas tout le temps en arrière du groupe. Oui. Pourtant, c'est un très très bon acteur. Il joue bien son rôle. Là. J'ai rien à dire contre lui dedans. Mais, J'ai beaucoup aimé l'autre couple avec la madame avec son collier qui au départ voulait pas monter dans l'arbre parce qu'elle se trouvait trop grosse. Ah, sérieux, là. C'est mes préférés du film. Ben, moi aussi, tout le long. Puis je trouve que finalement, au départ, tu te dis, OK, c'est un personnage faible qui veut rien faire parce qu'elle est grosse. Mais au fur et à mesure que ça va, tu vois qu'elle prend du courage, puis c'est elle qui va même se proposer volontaire pour aller faire la longue nage, pour aller dans l'autre pièce avec la corde, puis qu'elle avait fait des cours d'apnée quand elle était jeune. Des compétitions. Ouais, des compétitions, puis j'aimais beaucoup, puis surtout la relation entre elle et son mari, elle a l'air sincère, la relation, j'y crois, puis c'est comme si un couple que c'est difficile de pas aimer, là, tu t'attaches facilement à eux. Oui, ouais, non, je suis pas un gros connaisseur en sa carrière, mais Shelley Winters, c'est une grande, grande actrice. Quand ils l'ont choisie pour ce film-là, c'était déjà une grande actrice. Elle avait gagné déjà 2 Oscars à ce moment-là, puis elle jouait depuis déjà une vingtaine d'années, je pense. Puis lui, ben, tu sais, c'est ça, c'est le grand-père dans Willy Wonka. Il a une face tellement sympathique, tellement attachante, tu sais. Puis, ils sont c'est ça, c'est eux autres le cœur du film, en fait. Puis, on peut pas en parler d'eux autres sans spoiler, mais... autant y aller. À toute fin du film, quand t'as décède, j'ai quasiment les larmes aux yeux encore. Là. J'ai pris des notes, une petite note hier, c'est ça. T'sais, la mort de Shelley Winters, extrêmement touchante. Là, autant quand Gene Hackman lui parle, puis qu'il se fâche contre Dieu, puis il dit « pas elle, pas elle », tu sais. Puis il est vraiment en crise contre Dieu. Autant quand Ernest Borgnine la voit puis qu'il dit vous étiez toute qu'une dame, toute qu'une madame. T'sais. Ben surtout quand c'est ça, quand Ernest retourne pour aller voir le mari puis il dit qu'elle a réussi tout ça, mais tu sais, le mari se doute puis il fait juste se plonger, puis je suis comme Il a pas menti, il a dit. Elle a passé. She got through. Elle a passé au travers. Mais il a pas dit qu'est-ce qui est arrivé, mais tu sens que. Essaye de dire ça, c'est difficile. Le mari, il le sait tout de suite, là, je pense qu'il le sent, là, tu sais. Puis quand le mari arrive devant elle, ben là, moi je craque bien raide. Là, j'ai pas pleuré, mais j'avais le gros moteur. C'est pas loin. Là, c'était comme que c'est touchant. C'est triste parce que t'es aimes les personnages, puis c'est ça l'important dans un film de catastrophe. Tu sais, t'écoutes justement les derniers films de catastrophe qu'il y a eu, puis je prends exemple encore 2012, mais tu sais, dès qu'un personnage crevait, je m'en câlissait, tu sais. Puis des fois, ils font des scènes de manière tellement grosse, dramatique, mélodramatique pour qu'on soit comme un pauvre personnage, mais dans le fond, tout le monde est comme, ah ouais, il crève, on s'en fout. Tandis que dans le Poséidon, ben c'est pas ça. Tu veux pas que personne meure vraiment. Là. Ça sert à quoi, au juste, tu veux regarder un film pour oui, pour être. C'est le fun de spectacle visuel. C'est le fun d'avoir plein d'effets spéciaux comme j'ai vu dans le trailer de 2012 à l'époque. Je peux imaginer quel genre de film que c'est. Là. Mm-hmm. Mais c'est le fun de voir toutes les affaires sauter partout dans le monde puis exploser puis tout. Mais à un moment donné. Ça prend un équilibre. Oui, tu sais, il n'y a pas juste ça. T'sais. Pour t'agripper, t'accrocher à quelque chose, ça te prend des êtres humains, ça te prend... C'est ce qu'il y avait dans Poséidon, c'est ce qu'il y avait dans la Tour Infernale, il y avait des êtres humains tout d'abord, qui étaient dans une situation périlleuse, puis qui devaient s'en sortir, puis tu prenais pour eux autres, puis t'étais sur le bout de ton siège tout le long, tu te demandais comment est-ce qu'il allait y arriver. Sinon, si c'est des personnages en carton, mais comme tu dis, on s'en sac dès qu'il meurt. T'sais. Surtout quand c'est un film qui dure 2 heures et plus, là, au départ, ça va peut-être avoir son petit effet, les effets spéciaux quand la catastrophe commence. Mais quand tu dois passer 2 heures avec un groupe de personnages que tu n'apprécies pas, ça, à un moment donné, ça marche plus, les effets. Là, on a comme fait le tour, puis on finit par trouver le temps long. Là, fait que, ouais. Veux pas, ça prend pareil un équilibre entre les deux pour apprécier. On peut pas juste balancer... Du gros CGI à 250 millions de dollars pendant 2 heures sans penser que le public va décrocher à mon avis. T'sais, The Day After Tomorrow, il y avait quand même beaucoup d'effets spéciaux, mais c'était quand même pas si pire que ça, pas aussi pire que 2012, je pense. Puis, non, je suis parfaitement d'accord. The Day After Tomorrow est bien meilleur que 2012. Puis ils ont pris Dennis Quaid, qui en a quasiment fait une spécialité de jouer des films père-fils. Ouais. Pour sa relation avec son fils, avec Jake Gyllenhaal, deux excellents acteurs. Il y avait Amy Rossum là-dedans qui joue aussi dans le remake du Poséidon, là, mais ça, je m'en souviens plus bien. Mais tu sais, t'as des très très bons acteurs dans ce film-là, puis qui justement jouent des personnages attachants, intéressants. Tu veux tout le long que Jake Gyllenhaal puis Amy Rossum s'en sortent, sont à la bibliothèque à New York, tu sais, puis il arrive toutes sortes d'affaires, une affaire par-dessus l'autre, puis tu veux tout le temps qu'ils s'en sortent, puis tu veux que Dennis Quaid retrouve son fils. Puis tout est intéressant ou presque, tu sais. C'est pas aussi intéressant pour moi que Poséidon, mais c'est quand même dans les mêmes eaux là, que ça joue. Là, t'sais, au moins, il y avait déjà un effort d'essayer de créer des personnages qu'on va s'intéresser, là, ce qui n'est plus le cas par la suite. Que... Non. Mais Poséidon, même dans les... Je dis que Tour Infernal est mon film catastrophe préféré parce que j'adore beaucoup le duel entre Steve McQueen et Paul Newman. Mm-hmm. Mais en y repensant, je pense que Poséidon a le meilleur casting d'un film catastrophe avec tous ces acteurs-là. Puis c'est tous des acteurs qui ont été... je disais tantôt que dans leur carrière, pas pour ce film-là, mais dans leur carrière, ont tous été nominés pour des Oscars. Sur le casting au complet, il y en a 5 qui ont gagné des Oscars pour de meilleurs acteurs. Genre, tu sais, Gene Hackman, Borgnine, Shelley Winters. Ils ont tous gagné. Fait que tu sais, c'est tous des grands, grands acteurs. Puis ça joue beaucoup là, pour la qualité du film, là. Faudrait que je revoie la Tour Infernale également. Comme je disais, je m'en rappelle plus ou moins, mais j'aime tellement Paul Newman et Steve McQueen que je me dis les deux dans un film comme ça, ça doit être génial. C'est super bon. Puis tu sais, c'est un peu comme Borgnine et Hackman. C'est deux gars qui viennent un peu du même milieu, mais qui ont des visions différentes du monde, puis qui travaillent pour le même but, pour sauver tout le monde, mais pas de la même manière. Puis. Des fois, ils viennent un contre l'autre, mais en même temps, il faut qu'ils travaillent ensemble ou il faut qu'ils travaillent, pas nécessairement ensemble, mais en parallèle, dans le même but. Fait que, c'est pas tout le temps évident pour eux autres de mettre de côté leur vision des choses. Il y en a un qui est pompier, puis l'autre est architecte. Puis le pompier, il est pas du tout d'accord avec la manière que l'architecte fait les choses, puis comment est-ce que les bâtisses sont construites, puis ça le fait chier que l'être humain veut construire tout le temps des bâtisses plus hautes et tout le temps plus dangereuse. C'est, fait que, c'est intéressant ce point de vue-là, je trouvais. Mais c'est ça, Poséidon, chaque scène possède quelque chose d'excitant, possède quelque chose d'intrigant, vers le début, après qu'ils aient réussi à monter, quand Gene Hackman fait juste rentrer dans la cuisine par les portes chaudes, c'est anodin, mais en même temps, tu te demandes, il va-tu revenir, tu sais, puis... À chaque fois, il arrive quelque chose d'intéressant. T'sais. Parce que c'est ça qui est le fun avec le film. C'est pas que tu écoutes le film, tu dis C'est sûr qu'il ne va pas mourir. C'est Gene Hackman ou c'est Ernest Borgnine. Tous les personnages peuvent mourir à exact. Un moment. Puis c'est pas certain de quand est-ce que ça va arriver. Ben justement, le fait de tuer Roddy McDowall à peu près à une demi-heure du film ou du début du film, c'est exactement ça que ça a fait. Ça a comme fait, OK, tout le monde peut mourir rendu là. Il n'y a personne de safe. Ce qui est le fun, c'est que t'sais, comme on disait, le rip est constant puis qu'il arrive tout le temps les scènes, mais les scènes sont très variées. T'sais, c'est pas tout le temps la même affaire. T'as des scènes justement qui doivent passer des endroits avec beaucoup de fumée, beaucoup de feu, d'autres scènes qui doivent escalader des échelles, d'autres scènes qui doivent aller en dessous de l'eau pendant un long moment. T'sais, c'est suffisamment bien varié pour garder notre attention que si ça serait tout le temps à peu près la même affaire, traverser des pièces étroites ou avec des objets. Puis ils ont quand même eu la bonne idée d'essayer de varier le plus possible les dangers. Là. Puis c'est quand même bien défini parce que j'ai bien filmé puis tout, parce que j'ai tout le temps une bonne idée dans ma tête de où est-ce qu'ils sont dans le bateau. Ouais. Tu sais, des fois, dans certains films, tu vas tout être mêlé dans la géographie de la chose, mais là, je suis bien... Ben, comme juste avec chaque mot, on savait même pas à quel étage qu'il était, tellement que tous les étages se ressemblent. Il n'y avait rien pour identifier l'étage. Probablement tout tourné sur le même étage, mais... mais non, c'est ça, c'est très, très bien défini. Puis non, comme tu dis, tu sais... que ce soit le conduit d'aération mané ou je sais pas si c'est un conduit d'aération mais un genre de tunnel qui sont là à quatre pattes ou des endroits où il y a plus d'espace, c'est bien varié. J'aime beaucoup quand ils sortent de ce tunnel là mané puis qu'ils voient à l'autre bout d'une pièce à travers une porte des gens marcher, ça fait quasiment fantomatique là. Oui, c'est ce coup, t'es comme coudon, c'est-tu les gens au départ qui ont réussi à s'en sortir qui étaient en train de se noyer dans l'espèce de salle de bal où c'est un autre groupe. Puis, non, c'est vrai, j'avoue, cette scène-là, j'étais surpris. J'étais comme... Même moi, j'ai cru au début que c'était peut-être une hallucination. J'étais comme, c'est-tu réel ou il hallucine? Mais là, j'ai bien vu que tous les personnages les voyaient. Non, c'est bien pensé, ce petit moment de mise en scène-là. Ça a vraiment l'air à des fantômes. Mais finalement, c'est ça, c'est le docteur du début du film qui est avec une gang, probablement des malades. T'sais, comme il avait dit au début du film, il y a plusieurs gens qui ont... Plusieurs personnes qui avaient le mal de mer qui était malade, fait que c'était peut-être... Puis encore là, tu sais, c'est un groupe avec un leader qui décide d'aller dans une direction, puis ils veulent pas écouter Gene Hackman, puis Gene Hackman n'arrête pas de leur dire qu'ils vont dans la mauvaise direction, puis... Tu sais, dans le fond, à un moment donné, on est pareil rendu un point à... Est-ce que c'est Gene Hackman qui a raison ou c'est le docteur? Tu sais, ça se pourrait que finalement, ça soit eux qui s'en sortent, puis ben le groupe de Gene Hackman réussisse pas, tu sais. C'est une chance qu'ils ont pris depuis le début, tu sais, c'est que ce que Gene Hackman a pris, c'est son instinct de survie qui a dit va vers l'arrière parce que l'arrière est encore en dehors de l'eau. Tandis que les autres, ce groupe-là, ils vont vers l'avant, puis lui il est convaincu que l'avant est sous l'eau. Fait que c'est ça, t'sais. Mais ça reste que c'est juste une chance à prendre parce qu'il ne sait pas en tout s'il va réussir à sortir. T'sais. Exactement. Mais c'est ça. Je le vois tout très clairement dans ma tête. C'est sûr, je l'ai écouté récemment, mais c'est ça. C'est tellement bien défini, bien découpé, bien. Chaque moment est bien. J'aime beaucoup le montage, la manière que c'est tout bien. C'est très bien découpé. Tout est vraiment de qualité, comme tu disais, la mise en scène, le montage, les décors. Il y a vraiment un gros travail qui a été apporté là-dessus, puis ça apparaît. Puis là, ben, la finale, vers la fin, tu vois encore que les personnages sont pas safe parce que tu as encore un personnage que tu sais. Tu pensais qu'il allait s'en sortir. Là, je parle pas nécessairement de Gene Hackman, mais je parle de la blonde d'Ernest Borgnine. Oui. C'était pas nécessaire qu'elle meure, mais elle est morte quand même. Ça arrive vraiment sur un coup imprévisible en deux secondes. Tu t'écoutes puis tu te dis oh, il va rien arriver, puis paf! Oui. Moi, ça m'avait vraiment surpris sur le coup. Tout près de la porte, là. Non. Elle a fait tout ce chemin-là pour rien, dans le fond. Ben, pas pour rien, mais tu sais. Ben, faut pas se dire ça en même temps. Là. Non, c'est, non. C'est le risque à prendre. Là. C'est des choses qui peuvent arriver, puis. Puis, ben, tu sais, le sacrifice de Gene Hackman, tu sais, c'est triste. On est là. Tu sais, on est triste, dans le fond, quand ça arrive. Moi je suis triste parce que. C'est pas nécessaire en tant que tel. Il était si près de la porte, tu sais. Il a tout fait ça. Il lui a ouvert le chemin, il lui a ouvert la porte quasiment. Puis, il verra jamais il reverra jamais le soleil. Mais ça permet aussi à Ernest Borgnine de se reprendre en main puis de redevenir un peu le leader vers la fin. Là. Ouais, sauf que c'est fou comment la mort de Gene Hackman le laisse complètement indifférent. Tout le monde est en train de crier, lui il est encore penché en petit bonhomme. C'est comme. Ben, il vient de perdre sa femme. Ben, c'est ça. Fait, puis en même temps, il est en train de faire les reproches que c'était de sa faute, il avait perdu sa femme. Fait, Ça a juste vraiment l'air de le laisser indifférent. Mais une des passes que j'aime le plus dans le film, puis c'est silencieux, là, c'est vraiment juste dans les visages, mais c'est quand les sauveteurs sont en train de découper l'ouverture dans la coque. Puis là, tout à coup, t'as les 6 ou 5 visages qui restent, tous des gros plans sur les visages, qui regardent vers le plafond en voyant les sauveteurs qui ouvrent un trou, puis qui ont l'air au début tout très contents de ça, Content. puis qu'à un moment donné, c'est surtout Ernest Borgnine fait comme réaliser tout ce qu'il laisse derrière, là, t'sais. Il regarde derrière lui, puis là, il fait une face Qui était si près du but, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est sa face qu'il fait, c'est autant pour sa femme que là, peut-être pour Gene Hackman, pour tout le monde, là, t'sais, pour la Ouais. Madame Rosen, puis tout ça, t'sais, c'est pour Shelley Winters, puis tous ceux qui sont morts avant, t'sais. Ils les ont tous vus mourir, t'sais, puis c'est ça qui est triste. C'est tout puis tous ceux qui sont morts aussi dans la salle de bal, t'sais, je pense que là, à ce moment-là, il fait comme voir tout ce qu'il laisse derrière, t'sais. Parce que là, c'est bien beau, t'es soulagé puisque tu te fais sauver, les secouristes sont là, tu vas pas mourir, mais après, ça va être de vivre avec tout ce qui est arrivé. T'sais, même si t'es secouru, tu peux-tu vraiment réussir à reprendre une vie en ayant perdu ta femme, en Ben ayant non. vu d'autres mondes mourir? C'est quelque chose de très atroce, là. Moi, je me disais, je pensais au vieux monsieur, je pensais à M. Rosen, puis je me disais, tu sais, là, sa femme est plus là. Il va falloir qu'il aille dire à ses enfants qu'ils n'ont plus de mère, tu sais, parce qu'il n'arrête pas de parler qu'ils s'en vont voir son petit-fils. Fait que son petit-fils, il y a sûrement une mère ou un père qui est son enfant, lui. Fait qu'il va falloir qu'il aille dire à son ou à ses enfants Tu sais, c'est ça, il y a un deuil à faire après ça. Mais juste le fait qu'on parle de ça, puis que moi je m'inquiète de qu'est-ce qu'ils vont vivre par après, ça dit tout sur le film. Ça dit que les personnages sont vraiment intéressants. T'sais. Ouais, puis je me disais même que ça aurait été intéressant d'avoir une suite avec comment ils vivent par la suite. Oui. Puis, tu sais, oui, peut-être ça aurait été moins excitant parce que ce serait plus vraiment un film de catastrophe. Mais je sais pas, comme tu dis, on aime tellement les personnages que j'aurais été intéressé de savoir comment ils vont faire pour réintégrer une vie après tout ça. Puis, ben, parlant de suite, moi je recommande pas du tout de regarder la suite pour ceux et celles qui seraient intéressés. C'est Irwin Allen lui-même qui l'a réalisé, mais ça a été un gros, gros échec C'est la même affaire, mais avec d'autres personnages. Non, c'est vraiment une suite. Ben, je vais lire le résumé de Wikipédia, là, mais. Ok, je vais lire le résumé. En 72, une lame de fond a retourné le luxueux paquebot Poséidon au milieu de l'océan et les quelques survivants attendent maintenant les secours. Ceux-ci arrivent par l'intermédiaire de Mike Turner, capitaine de remorqueur. Dans le même temps, des terroristes ayant intercepté l'appel de détresse du Poséidon se rendent également sur place afin de faire main basse sur l'or et le plutonium présents dans le paquebot. Tout le monde doit cependant se dépêcher, car à l'intérieur du navire, l'eau continue d'immerger les ponts. Le film met en vedette Michael Caine, Teddy Savalas, qui jouait Kojak dans la série Teddy's Insanities, Sally Field, Carl Malden, Peter Boyle, puis Mark Harmon. Moi, je l'ai déjà vu juste une fois. Je m'en souviens pas beaucoup, mais je me souvenais qu'il y avait des terroristes puis qu'il y avait une genre de chasse à l'or dans le bateau. Ils font juste refaire un peu le même trajet, puis ils cherchent des trucs dans le bateau, puis il y a des guerres entre les personnages, puis tout. Dès que tu as dit le mot terroriste, j'ai tout de suite comme fait c'est pas nécessaire. Il y a aussi, je viens de voir dans le reste du casting, il y a Angela Cartwright, Shirley Jones. En tout cas, pour ceux que ça dit quoi, moi, ça, je les connais, ces noms-là. Mais c'était vraiment pas bon. Puis, non, il n'y a jamais été question de plutonium dans le bateau. C'est ridicule, c'est un bateau de croisière. Pourquoi il y aurait du plutonium là-dedans? Puis de l'or. De l'or, peut-être, là. T'sais, c'est du monde Ouais, il y a du monde riche, mais Ouais. c'est très douteux, là. Puis, tu sais, ils disent que les secours viennent d'un gars qui s'appelle Mike Turner. Puis, ça n'a pas rapport. Les secours viennent en hélicoptère à la fin du premier film. Ouais. Puis, les gens s'envolent. Ils attendent pas les secours dehors, là. Tu sais, les gens. Mais si je me souviens bien, c'est même pas les mêmes personnages. C'est comme d'autres survivants qui sont. Ils sortent par le même trou, probablement. Puis, Okay. Dans le fond, c'est ils peut-être l'autre attendent les groupe, là. secours. Ouais. Être le médecin, mais. Ça m'intéresse pas de voir cette suite-là, honnêtement. Puis le téléfilm de 2005 avec Peter Weller, je l'ai déjà vu, mais ça, je pourrais pas t'en parler, je m'en souviens pas du tout. Probablement qu'ils ont vraiment étiré l'histoire, ils ont peut-être plus adapté le roman, peut-être mieux adapté le roman, je sais pas, mais je m'en souviens vraiment pas, là. Mais ça m'a pas marqué, fait que. Ça doit pas être aussi bon. Non. Non, moi je recommanderais beaucoup ce film-là. Je recommanderais beaucoup La Tour Infernale. Earthquake avec Charlton Heston, c'est un petit peu inférieur. Il y a beaucoup. Il y a des affaires plus cheesy, comme un sous-scénario avec Walter Matthau qui n'a vraiment aucun rapport dans le film. Puis un moment donné, on voit une scène d'ascenseur avec du sang qui revole dans la caméra. Puis c'est affreux comment c'est mal fait. Mais c'était quand même intéressant aussi. Il y a comment ça s'appelle pas Airplane, mais Airport 77, puis tout comme ça. Il y en a qui sont quand même pas pires, je pense, là-dedans. Mais ceux que tu as dit aussi, comme le revival du film Catastrophe dans les années 90, là, c'était intéressant avec les Twister, puis Volcano avec Tommy Lee Jones, qui très cheesy, puis qui peut pas arriver du tout, mais c'est pas grave. Là, ça, c'est plus du gros fun que tu mets ton cerveau à off niveau crédibilité. Mais tu sais, c'est des films, je trouve, que dans ces années-là, il y avait un bon équilibre, comme je disais, entre effets spéciaux, puis grosses catastrophes, puis des personnages qui sont agréables, qu'on a envie de suivre. Là, puis, dans le sommet d'Adam, j'aimais beaucoup le personnage de Pierce Brosnan, puis de Linda Hamilton, puis tu sais, je m'intéressais à eux, puis je voulais pas qu'ils meurent. Non, moi non plus. J'ai tout vu ces films-là au cinéma. J'étais vraiment beaucoup intéressé par ce cinéma-là. Puis. Armageddon, Deep Impact, tous ces films de catastrophes. Ouais. Mais comme toi, je recommande fortement l'aventure du Poséidon. Je trouve que c'était un gros classique du film de catastrophe. Je sais pas si je pourrais dire que ça serait mon favori, parce que j'en ai encore une coupe à voir. Puis que j'ai quand même, comme je disais, j'avais une place spéciale avec Twister, que j'ai quand même vu au cinéma quand j'étais jeune, puis c'était la grosse affaire à l'époque, là. Mais sinon, je le recommande facilement pareil. C'est un film qui fait définitivement partie de mon top 10 des meilleurs films de catastrophe. Puis, je ne l'ai pas mentionné, mais pour ceux que ça intéresse, puis je trouve qu'il fait une très bonne job, c'est la musique du film, c'est John Williams. Ah, pour vrai? Je ne savais pas que c'était John Williams. Mais oui, c'est un excellent soundtrack. Je trouve que la musique nous met vraiment dans l'ambiance, crée vraiment une tension, là, tu sais, puis... C'est à très grand déploiement, le gros orchestre comme on connaît de John Williams. Oui. Puis c'était au début, dans les débuts de sa carrière, je pense. Fait que... Très réussi. Oui. Fait que ben, là-dessus, on va aller en musique avec la chanson du film, qui, le titre officiel, c'était The Song from The Poseidon Adventure, mais qui a été renommé par la suite The Morning After. Fait qu'après la chanson, on vient avec notre opinion sur City Hunter. There's got to be a morning after if we can hold on through the night. We have a chance to find the sunshine. Let's keep on looking for the light. Oh, can't you see the morning after? It's waiting right outside the storm. Why don't we cross the bridge together and find the place that's safe and warm? It's not too late, we should be giving. Only with love can we climb. It's not too late, not while we're living. Let's put our hands out in time. There's got to be a morning after. Closer to the shore, I know we'll be there by tomorrow, and we'll escape the darkness. We won't be searching anymore. There's got to be a morning after. There's got to be a morning after. There's got to be. There's got to be a morning after. There's got to be a morning after. Eh bien, nous revoici maintenant pour notre super section Nanar Navet. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est moi qui ai choisi le film et j'ai été avec City Hunter de Wong Jing. C'est un film de 1993 et ça met en vedette, évidemment, Jackie Chan, Gary Daniels et c'est quoi l'autre que j'oublie tout le temps qui est dans la plupart des films? Richard Norton. Qui joue le gros méchant du film. Il a joué dans plusieurs productions de Jackie Chan puis HK, puis je trouvais ça amusant parce que c'est pas vraiment un asiatique, mais il a quand même joué dans beaucoup de ces films-là, un peu comme Cynthia Rockwell, si je me trompe pas de son nom de famille, qui était une Américaine qui a joué dans plusieurs films asiatiques également. Et en fait, City Hunter, c'est une adaptation du manga City Hunter, Ryo Sabat, je pense que ça s'appelait juste City Hunter. Fait que moi, je vais pas faire de comparaison parce que j'ai aucunement vu le manga, j'ai regardé aucun épisode. Fait que je vais prendre vraiment ça comme pour rapport. Et ça raconte l'histoire de Ryo Sabat, qui est un détective privé, mais aussi un grand séducteur qui ne sait pas résister au charme d'une femme, sauf de sa nièce qui est son assistante. Puis, à un moment donné, un riche industriel japonais l'embauche afin de retrouver les traces de sa fille qui a disparu. Et un peu par accident, Licky Larson va se retrouver à bord d'un paquebot de croisière dans laquelle va se retrouver son assistante, la fille qu'il doit retrouver, mais également de dangereux criminels qui prévoient voler les riches à bord du bateau et de les tuer par la suite. Licky écoute... Larson! Et on écoute un petit extrait et on revient tout de suite après. Oh, bravo, il a eu son compte. Vous le détroussez ou quoi? Je cherche à manger. Un paquet de cigarettes, espèce d'intoxiqué. T'as bien fait de l'assommer. Pourquoi? Pourquoi il a rien? Un chewing-gum. Oh, c'est mieux que rien, merci. C'est quoi? C'est ma petite boîte magique. Elle est équipée d'un programme avec le nom de tous les terroristes du monde. Le stylo permet de relever les empreintes laissées sur n'importe quelle surface. Et elle te dit à qui elles sont. Toi, c'est génial. Retourne-toi. Il y a des empreintes sur le bas de ta robe. Dans quelques secondes, on saura qui est le goujat qui a fait ça. Identité de l'individu, Nicky Larson, détective privé, signe particulier, coureur de jupons invétéré, possède une mauvaise foi reconnue de tous. En résumé, un bon à rien. C'est vous qui... Poisson d'avril! City Hunter. Par où commencer? J'ai découvert Jackie Chan pas mal avec les gros classiques quand j'étais jeune, Les années dans le Bronx, Opération Condor, tous les gros films qu'il a fait connaître par ici. Et des débuts des années 2000, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une des meilleures choses qui est arrivée, je trouve. La 20th Century Fox ont décidé de distribuer au-dessus de 20 ou 25 gros films HK des années 80 qui sont des gros classiques, puis ils ont tous distribué ça ici, puis c'était des DVD qui coûtaient comme 8$, puis j'étais allé au HMV, puis j'ai voyé tout, je les ai pratiquement tout acheté, j'avais acheté Monsieur Vampire, j'avais acheté City Hunter avec Jackie Chan, j'avais acheté d'autres films de Jackie Chan, des films avec Sammo Hung, puis c'était tous des films que j'étais vierge, que je connaissais pas vraiment, fait que c'est comme grâce à eux que j'ai découvert plein de classiques, puis que je me suis vraiment encore plus intéressé au cinéma asiatique. Et lorsque j'ai écouté City Hunter, j'ai juste été complètement dérouté parce que c'est pas le film typique de Jackie Chan. C'est vraiment un film à part qu'on n'a pas l'habitude de voir vraiment Jackie Chan jouer. Et ça a été un choc, mais ça a été comme une grosse découverte pour ma part. Puis j'avais beaucoup trippé avec ce film-là. J'avais beaucoup eu de fun. Et en même temps, j'arrêtais pas de découvrir plein de classiques. Fait que j'avais vraiment aimé ça que 20th Century Fox avait fait cette distribution-là. Puis il y a peut-être 2 ans maintenant, Shout Factory ont sorti plusieurs classiques aussi de Jackie Chan en Blu-ray, dont City Hunter en double feature avec un autre film. Et j'étais vraiment très heureux de pouvoir l'avoir en Blu-ray. Fait que, en gros, c'est pas mal ça un peu mon histoire avec City Hunter. Et comme je disais, je connais rien du manga. Fait que moi, c'est vraiment, je prends le film pour qu'est-ce qu'il est, puis j'ai pas de comparaison avec le manga. Là. Et toi, Jeff, quel est... Ben, je sais que t'as pas vraiment d'histoire. Non. Non, ben là, je pense que les gens qui nous écoutent le savent depuis le temps. J'ai pas d'histoire avec le film. T'sais, Jackie Chan, oui, un petit peu. T'sais, j'ai vu aussi Zenny dans le Bronx, Opération Condor, ces films-là, quand ils sont sortis dans les années 90. Mais j'ai pas, j'en ai, c'est pas devenu quelque chose que j'aimais tant que ça. Fait que, tu sais, je suis pas un amateur d'arts martiaux ou quoi que ce soit, ou de son genre de cinéma à lui, même si c'est comique puis c'est plus accessible que d'autres. Fait que mais je me suis jamais vraiment intéressé tant que ça. Fait que, tu sais, à partir des années 2000, j'ai pas vu ses films. Puis je pense que j'ai vu le premier Rush Hour, mais c'est tout. J'ai pas vu les autres. Puis j'ai vu certains de ses vieux films des années 10 aussi. J'ai vu La Hyène Intrépide, des trucs comme ça. Là. Les vieux classiques, ça. Mais je le trouve impressionnant à voir. Là, j'aime j'aime le voir faire des cascades, mais je suis pas un fan non plus de ses films parce qu'ils ont souvent pas grand-chose à raconter. Puis sont très légers. Là, mais c'est drôle, je vais revenir là-dessus aussi plus tard. Il est arrivé... une critique de presse qui avait jugé ça, puis ça l'avait mis en colère, puis il avait fait de quoi par la suite, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Ah. À moins que tu veux que j'en parle de suite. Là, mais... Ben, vu que tu en parles, vas-y. Ouais. OK. Ben, c'est ça, il avait réalisé Police Story 1 et 2 à l'époque, puis d'autres gros classiques. Évidemment, tu sais, c'est des gros films d'action qu'on va vraiment voir pour Jackie Chan faire ses cascades, puis sa comédie loufoque, puis avec des histoires quand même assez simples. Puis à un moment donné, il y a les critiques... de journal qui avait fait des critiques, je ne sais plus exactement c'est quel film, mais il avait dit que Jackie Chan, c'était pas un grand réalisateur, parce que c'était la plupart du temps, c'est lui qui réalisait ses films, puis qui disait que c'était facile de faire un film d'action. Tu sais, c'est comme, tu prends un plan large de la scène, puis des longs takes, puis c'est tout, puis c'est pas digne d'un grand cinéaste, puis tout ça. Puis ça l'a vraiment, vraiment beaucoup frustré, Jackie Chan. Et par la suite, il a fait un film qui s'appelle Black Dragon. En français, c'est... je pense que c'était Magistral ou quelque chose de même. Faudrait que je revérifie. Et c'est un film super ambitieux. Une des plus grosses productions, je pense, qu'avait eu Jackie Chan. Ça se passe dans les années 1800, je crois. Puis c'est un film de gangster comédie. Puis vraiment, c'est comme ça débute avec Jackie Chan qui est pauvre puis qui va monter les échelons puis ces choses-là. Mais c'est lui qui l'a réalisé. Puis la réalisation, c'est... Honnêtement, c'est un des plus beaux films chinois qui a été réalisé. C'est super ambitieux. Il y a des longs plans séquences, des travelling incroyables avec des personnages super intéressants, une histoire beaucoup plus complexe. Puis, tu sais, lui-même, il dit je suis con parce que j'ai fait ce film-là juste par orgueil puis que j'ai voulu fermer la trappe aux journalistes pour leur montrer que j'étais capable de faire quelque chose d'autre chose qu'un film d'action. Et je m'en excuse. Mais je veux dire, en tant que tel, moi-même, je suis content qu'il l'ait fait parce que c'est vrai que c'est vraiment un très bon film aussi. Comme je disais, un des plus beaux films que Jackie Chan nous a offert en termes de réalisation. C'est vraiment un film incroyable de niveau technique. Puis, j'avais trouvé ça drôle à l'époque parce que j'avais écouté un documentaire que j'ai sur une vieille VHS. Puis ça s'appelle Jackie Chan, My Story. Puis c'est là qu'il mentionnait cette histoire-là. Puis j'avais trouvé ça super intéressant. Mais en même temps, oui, c'est intéressant. Mais en même temps, en faisant un film qui va plaire aux critiques... est-ce que ça fait pas diminuer comme l'impact de ces films qui sont venus avant, comme s'il lançait le message en disant, tu sais, je vais en faire un bon film, tandis que oui, t'as raison, mes autres films avant n'étaient pas si bons que ça. Ben pas vraiment, parce qu'en tant que tel, il a gardé la même formule. Tu sais, je veux dire, t'écoutes ça, puis t'en retrouves pareil, les cascades, l'humour, puis les combats que le monde aime tant de Jackie Chan. Tu sais, même lui, il le regrette un peu de l'avoir fait, le film, parce qu'il l'a vraiment fait pour ça. Mais tu sais, je veux dire, Jackie Chan, il n'a pas honte de ses films auparavant. Puis tu sais, Police Story, moi, le premier, je le considère comme son meilleur film, puis je l'adore. Puis c'est vrai que l'histoire est simple, mais le reste est tellement génial dans le film. Ça a été révolutionnaire au point que tu as eu des gros films hollywoodiens qui ont carrément copié les scènes d'action de ce film-là. Il y avait eu Tango et Cash avec Sylvester Stallone et Kurt Russell. Au début, t'as Sylvester Stallone dans le désert sur la route qui va tirer dans les airs avec le gun, puis le camion, les terroristes vont passer bord à bord par brise, mais c'est une scène qui a été reprise identique plan pour plan de Police Story. Puis même chose pour Bad Boys 2 à la fin, lorsque Will Smith puis Martin Lawrence défoulent avec un Hummer à travers un bidonville en le détruisant au complet. C'est encore une fois une scène reprise pratiquement plan pour plan de Police Story. Ben, t'sais, ça a été quand même un gros film qui a influencé. Puis t'sais, je le considère pas comme un... Je considère pas que ces débuts de films comme des films stupides pour ceux qui sont juste amateurs d'action. T'sais. Je considère que c'est quand même des bons films, mais j'ai trouvé ça un peu facile, même à ça, des journalistes, de critiquer le cinéma d'action, de le mettre aussi bas. Ça me rappelle un peu ceux qui critiquent le cinéma d'horreur en disant que c'est facile de faire du cinéma d'horreur, ça sera jamais des grands films à Oscar, alors que c'est totalement faux. Là. Non, mais il devrait pas avoir honte de ces films non plus, parce que moi, étant pas amateur du genre nécessairement, T'sais, Jackie Chan, je le trouve très intéressant comme phénomène, comme gars, comme artiste, parce qu'il a réussi à amener ça à un niveau plus populaire, plus t'sais, que monsieur, madame, tout le monde qui aime pas vraiment ce genre de film-là ou les films d'action trop poussés, ben c'est facile d'aimer Jackie Chan. C'est facile d'entrer dans cet univers-là. T'sais, pis, il a été chercher un public de tous âges, t'sais, autant les jeunes que les adultes. T'sais, c'est vraiment, t'en as pour tous les goûts, puis ben, son cinéma est très varié. C'est un très, très bon comique. Là, t'sais, c'est un comique physique. T'sais, Mr. Bean a inventé, Ron Atkinson a inventé un genre de comédie comique à son style à lui, puis Jackie Chan a fait ça aussi un peu dans son genre, t'sais, il fait de l'art martial comique, t'sais, puis... Beaucoup d'interactions avec les objets, c'est ça qui est vraiment le fun avec lui, puis ça a tout le temps paru dans tous ses films, puis c'est boosté de plein d'œil, mais c'est un gros, gros, gros fan de Buster Keaton. Ben c'est ça, j'irais même jusqu'à dire qu'un jour, on va peut-être peut-être pas... Il y a des fans maintenant qui le voient comme, mettons, comme un artiste classique de la comédie, mais tu sais, peut-être qu'il va être plus respecté quand il va être décédé plus tard. Ben, dans 50, 100 ans, on va peut-être dire que c'est le Charlie Chaplin des arts martiaux, des films d'action asiatiques, peu importe. Définitivement, même moi, je le pense. Puis il a fait beaucoup de scènes dangereuses de cascade, qu'il a repris des scènes carrément de Buster Keaton, que ce soit une scène avec l'horloge ou avec un décor qui tombe puis qui passe bord en bord juste à travers la petite fenêtre. T'as deux films de Jackie Chan qui reprend littéralement ces scènes-là, puis il l'a tout le temps dit, il dit pour lui, le vrai cinéma, les vrais cascadeurs, puis le vrai cinéma d'action, c'était ça pour lui, puis la vraie comédie d'humour pour lui, c'était les Trois Stooges, puis ces choses-là, puis il a tout le temps été un gros fan, puis il a toujours voulu intégrer ça dans son cinéma, lui. Lui, il a jamais vraiment voulu faire des films où c'était très sexuel, où qu'il y avait beaucoup de violence sanglant. Lui, il est pas mal anti-violence, anti-sexe, il aime ça que ses films soient légers, puis il veut jamais vraiment aller plus loin que ça. Là. Puis... voyons, c'est que je voulais m'en aller avec ça aussi. Avant qu'on enchaîne, parlant des effets des cascades, excusez, l'aventure du Poséidon, j'ai oublié de le mentionner, mais il n'y avait pas beaucoup de cascadeurs qui ont été engagés. La plupart des gens ont fait leur propre cascade, leur propre passage sous l'eau, etc. Ouais, j'avais l'impression justement que ça avait pas l'air doublé. Tu sais, par moment, tu peux te douter quand quelqu'un peut être doublé, mais là, c'est pas mal tout le temps prise de vue de face, puis on voit les visages. Fait que, ouais, tu vois que les acteurs ont l'air d'avoir pas mal fait la plupart des scènes. Mais Jackie Chan, je pense qu'il a, ben, tu sais, je veux dire, il a jamais arrêté. Il en fait encore en 2015 des films avec ses propres cascades, puis tout, je pense. Oui, mais il essaie beaucoup plus de se concentrer sur son jeu d'acteur, puis il veut plus essayer de faire des films comme ça que des purs films de cascade puis d'action, parce qu'il ne veut pas, il est quand même rendu vieux, Jackie Chan. Si je me trompe pas, je pense qu'il est début soixantaine. Ah, sûrement, oui. Début soixantaine, puis l'année dernière ou l'autre année, il avait sorti Chinese Zodiac, qui est en fait Opération Condor 3, puis il disait que c'était son dernier gros film d'action qu'il allait faire, ce qui est pas vraiment vrai, parce qu'il peut faire une suite de ça. Mais je veux dire, t'as une grosse scène d'action de 12 minutes dans le film, puis je te le jure, t'as l'impression de retrouver le Jackie Chan de lorsqu'il avait 20 ans dans dans ses premiers films, puis il bouge, puis il est tellement en forme, ce gars-là, c'est hallucinant, il fait pas son âge, mais tu sais, il a tout le temps dit, c'est quelqu'un qui mange tout le temps bien, qui s'entraîne à tous les jours, puis qui essaie tout le temps d'être en pleine forme, là. Fait que, ça, tu vois quand quelqu'un prend soin de son corps et de son physique, à quel point ça peut avoir un impact au fil des années, là, c'est fou. Ah, là. C'est sûr. Mais c'est ça, Nicky Larson... Je l'ai regardé en français, j'avais sous la main une copie en français, puis j'ai regardé le film en français, puis Nicky Larson! Moi, j'ai jamais écouté en français. Comme je disais, ça fait tout le temps « City Hunter ». C'est drôle, en français, c'est Nicky Larson, puis le titre du film, c'est Nicky Larson, mais même le personnage, logiquement, s'appelle Rio Sabat, il s'appelle même pas Nicky Larson, enfin, je sais pas... Mais c'est Nicky Larson, il s'appelle Nicky Larson, le personnage. Mais... C'est son nom. Ouais, mais pas dans les autres versions. Même le manga, il s'appelle Rio, je crois. Mais le manga en français, c'est Nicky Larson aussi, je pense. Ah ouais. Mais c'est juste la France, dans le fond, qui ont décidé de l'appeler Nicky. Oui. I guess. Mais c'est bizarre. Peut-être que Rio, c'était moins vendeur, je sais pas. Je sais pas. Ouais, mais c'est un étrange film. Je sais pas trop quoi m'attendre, puis je pense que j'ai pas trop tout compris encore. Là, c'est normal. J'avoue que pendant un bon... Ben, tu sais, en général, le film, je l'ai regardé en plein jour. T'sais, c'est drôle parce que Poséidon, je l'ai regardé en pleine nuit, en début de la nuit, puis je l'ai regardé du début jusqu'à la fin en étant tout le temps au bout de mon siège, tandis que celui-là, j'étais en plein jour. Puis il y a des bouts que j'avais envie de... OK, c'est long un peu. Ben c'est pas que c'est long, mais c'est l'humour qui était un petit peu trop enfantin pour moi, qui maintenant dans ma vie, j'ai genre 38 ans, puis c'est comme ce genre de film-là me plaît moins que si je l'avais vu plus jeune. C'est très Mais cartoon, c'est c'est sûr. très, très cartoon. C'est quasiment Batman des années 60, des fois, avec des ping-pong-pouf, là, tu sais, puis... Ouais. Les effets sonores, des quelqu'un qui rebondit, puis dong, dong, dong, dong, des En trucs même comme temps, ça, tu sais. j'ai l'impression qu'il y a des effets, tu sais, qu'ils ont voulu essayer de donner pour que ça ait une impression que c'est une adaptation de manga. Tu sais, comme Oui. à un moment donné, Jackie Chan court, puis là, il va tomber sur une fille, mais en courant, il arrête, mais tu sais, ça fait le bruit des souliers qui fait hip, puis tu Oui. vois ses souliers vers le haut qui glissent, puis après, il se penche pour regarder avec des gros yeux, puis la caméra fait un gros zoom comme un personnage de dessin animé que ses yeux sortiraient de sa tête un peu. T'sais, ils ont vraiment essayé de donner ce côté-là tout le long du film. Mais pour être honnête avec toi, la première fois que j'ai vu City Hunter, les 10 premières minutes, je trouve qu'ils sont vraiment déstabilisantes. C'est difficile d'accrocher. J'ai vraiment, même aujourd'hui, je trouve que les 10 minutes, je trouve, sont difficiles à accrocher. Puis j'aime pas la scène de skate. Elle est vraiment ridicule. Puis j'ai vraiment de la misère avec cette scène-là. C'est drôle Puis parce que dans mes notes, c'est la première que j'ai notée, mais j'ai dit tout le contraire. Moi, j'ai dit que c'était impressionnant parce qu'ils sont à travers les chars puis tout. Puis je me disais tout le long, il y a sûrement qu'au tournage, il y en a plusieurs qui se sont pétés la gueule durant le tournage, là, mais. probablement, mais c'est surtout que la scène est tellement over the top, puis qui passe à travers les vitrines du troisième, du 8e étage en skate, ces choses-là, je la trouve juste bizarre. C'est parce que la première fois que j'ai vu les films de Jackie Chan, tu tombes sur City Hunter, puis tu regardes cette scène-là, tu es habitué de voir des scènes réalistes puis crédibles d'action de Jackie Chan. Là, c'est vraiment over the top, puis il saute sur une voiture, puis il fait 18 pirouettes dans les airs, puis comme s'il volait. Fait que j'étais pas habitué à ça. Puis je trouve que le film prend vraiment son équilibre du monde, puis que moi, j'ai fini par embarquer dans cet univers-là à partir de peut-être 5 minutes avant qu'ils embarquent dans le bateau. Tu sais, à partir de quand tout le monde se prépare à embarquer, je trouve que là, le tout prend un peu plus comment je pourrais dire, sa stabilité, si on veut, tandis que les 10 premières minutes, je trouve que ça va un peu dans tous les sens, puis je savais pas trop où donner de la tête. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est ça, le ton est très, très, très cartoon tout le long du film quand même, là, Ouais, non, puis ça s'enlève jamais. quand tu es habitué à ces autres films, c'est une coche au-dessus, c'est encore Ça plus... donne pas. Ouais, c'est ça donne pas ça. Mais ça, c'est le côté du réalisateur. C'est Wong Jing qui fait ça. Parce que lui, ses films, c'est tout le temps comme ça. Je dirais pas tout le temps cartoon à ce point-là, mais je dirais que c'est tout le temps ridicule. C'est tout le temps amplifié de même. C'est stupide. Puis ce gars-là, il va tout le temps au bout, du début à la fin. Puis c'est drôle parce que quand t'écoutes ce film-là, tu vois que Wo Jing, il a gardé pareil le contrôle sur son film parce que c'est le cartoon tout le long. Mais par moment, surtout durant les scènes d'action, tu vois que Jackie Chan, là, il prenait plus sa place, puis c'était plus son style puis son humour. T'as plus des scènes qui fait vraiment plus les Trois Stooges ou qui fait plus Buster Keaton, justement, que le côté cartoon qu'on a au restant du film. Fait que ça fait un drôle de mélange. T'sais, par moment, on se sent un peu dans un film de Jackie Chan, puis après ça, on en revient dans le côté très, très loufoque et cartoon du réalisateur. Mais oui, puis je me suis demandé à qui ça s'adressait. Parce que je pense que, comme j'ai dit tantôt, je pense que ça s'adresse plus aux jeunes, aux enfants, qu'aux adultes, ce film-là. Je sais pas, tu sais. Puis j'ai entendu dire que par rapport au manga, c'est très différent. Fait que le manga était peut-être plus adulte, mais celui-là, ce film-là, mais ça a vraiment l'air d'une adaptation pour les jeunes. Parce qu'il y a des réactions, des fois, des personnages. Puis il n'y a pas beaucoup d'affaires très, très adultes qui se passent dans le film. C'est vraiment très. Ça reste toujours très safe, là, t'sais, très, ça peut être vu par un enfant de 10 ans, puis il sera pas choqué par ce film-là. T'sais. Même Non, je pense par la pas. violence, il n'y a pas tant de sang que ça. Il y a beaucoup de gens qui se font tirer dessus, mais il n'y a pas tant de violence, de trucs choquants, t'sais. Non, non, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est drôle, moi, j'ai autant de fun qu'un enfant de 10 ans devant ça. Mais c'est juste. Je pense que c'est le genre de film vraiment, tu te prends pas au sérieux, tu te laisses juste. T'essayes de te laisser embarquer. Je sais que c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est vraiment un cas de. t'accroches ou t'accroches pas, mais moi, je crois que quand t'accroches, tu passes par un agréable moment, parce qu'à partir de quand les terroristes commencent à embarquer, je trouve que c'est un feu roulant non-stop jusqu'à la fin d'action, d'humour, de gag, de stupidité, puis je trouve que le rythme est vraiment non-stop, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir avec tous les personnages. Je trouve qu'ils ont tous chacun leur petit quelque chose de con, puis qui leur va bien. Tu sais, comme il y en a un là-dedans qui est un genre de joueur de cartes qui s'occupe de ça, puis lui, c'est son arme, c'est qu'il lance tout le temps des espèces de petites cartes, ouais. Puis il y a tout le temps un toupette devant sa face, puis à chaque fois qu'il est devant une femme ou que quelqu'un le regarde, il fait comme... il souffle son toupette au ralenti, puis ça fait un bruit de magie, puis son toupette vole dans les airs, comme vraiment... l'effet manga, là, ça paraît que c'est pour ça. Mais tu sais, je trouvais le fun. J'aime beaucoup les trois filles qui vont finir par être ensemble. T'as la fille que Jackie Chan essaie de retrouver, son assistante, puis un autre, qui est une espèce d'agent secret. Ils vont se retrouver dans une chambre avec un terroriste. Puis cette scène-là fait vraiment... Les trois stooges, là, ils vont se cogner. L'autre va tomber sur la lit. La fille va sauter par-dessus. Les trois va essayer de prendre son gun, mais en prenant son gun, ça va tirer. Fait que les trois vont sauter sur un pied comme s'ils dansaient dans un numéro. Puis je trouve ça tellement le fun. Puis tu sais, c'est un peu ça que j'aime vraiment du cinéma de Jackie Chan. Puis je trouve pareil qu'on le retrouve dans City Hunter. Je trouve ça vraiment le fun. Mais justement, je voulais parler des femmes. Puis ce que j'ai le plus apprécié du film, puis ça a rapport aussi avec le Poséidon, il y a un lien à faire avec ça aussi, c'est que la note que j'avais prise, c'est que les femmes sont constamment objectifiées, mais sont également les personnages les plus forts du film. Oh oui. Tandis que dans l'autre film qu'on a vu avant, le Poséidon, les femmes étaient quasiment, à part la madame qui avait un surplus de poids, les femmes étaient vraiment inutiles ou incapables de faire quoi que ce soit. Tandis que dans Nicky Larson, ben les femmes sont vraiment les personnages utiles. Les plus forts, tandis que les hommes, c'est soit toutes des obsédés sexuels ou des idiots. Sont incapables de rien faire. Puis tu sais, même Nicky Larson, c'est un détective super gaffeux, puis il y a bien des moments où que s'il n'y aurait pas eu l'aide des femmes, mais il y aurait eu de la difficulté. Il y a eu beaucoup de duos. C'est un obsédé aussi, là, ça fait juste penser à ça. Là. il est vraiment... il fait juste penser aux femmes tout le temps, puis à ça, puis à la bouffe. T'sais. Puis ça fait bizarre, parce que tu sais, Jackie Chan, il est... Tu sais, c'est un... Il dégage pas ça dans ses films. C'est pas un homme à femme vraiment. Puis là-dedans, son personnage, c'est tout le contraire. Puis, sauf, c'est drôle, c'est pas choquant ou rien parce que son personnage, en même temps, il est pathétique. T'sais, c'est comme à un moment donné, il va voir une fille, puis il pense que la fille, il parle. Puis là, fait qu'il la regarde, puis comme il fait des sourires. Puis après, il se rend compte qu'elle parle à une autre fille qui était derrière lui. Mais il continue à marcher avec un air de comme je suis sensuel, je sais qu'est-ce qui se passe. Puis il marche au ralenti en se passant la main des cheveux. C'est puis. Ça. Tu sais, le personnage est vraiment ridicule. Là, son rêve qu'il fait tout le temps à la piscine avec les filles. Puis, ouais, tout le temps. Puis, puis quand il voit la fille, je pense que c'est justement, en français, ça s'appelle Caroline, celle qui recherche. Je pense que c'est elle, mais je ne suis pas sûr. Qui la voit à la piscine, puis il voit ses seins comme des hamburgers, puis son bras comme... comme une croquette de poulet, je pense. Ouais, puis ses jambes comme des comme du poulet aussi, je pense. Ça, c'est un aspect, je trouve, le fun du film, c'est con, mais dès que Nicky Larson arrive sur le bateau, lui, il a juste faim. Puis tout le long du film, il essaie juste de trouver de quoi manger, où il chiale tout le temps qu'il a faim. Puis à un moment donné, il y a une poursuite avec des gardiens de sécurité qui, au départ, ne l'avaient pas laissé entrer sur le bateau, puis là, ils veulent juste le sortir. Puis lui, il essaie juste de manger une toast ou un morceau de pain, je sais pas trop, puis il court après, mais quelqu'un va piler dessus, mais... Puis, tu sais, même cette scène-là, je la trouve super le fun. Tu sais, comme à un moment donné, il prend une table, puis il regarde les gars en disant, gars, venez, puis je vais faire du bruit, puis ça va alerter. Puis, il s'en va être la table, il se rend pas compte que les deux pas de la table sont restés là. Fait que il va arriver un accident avec ça, puis je trouve ça vraiment le fun. Puis, à un moment donné, il part pour. Tu sais, c'est vers la fin, je pense qu'il y a une gang qui sont sur le point de tirer dessus, puis là, il dit, t'as-tu une dernière. Je voudrais un hamburger ou ouais, je voudrais un bol de nouilles ou ouais. Ouais, à un moment donné, on le revoit, il est comme juste caché dans les tuyauteries avec une souris, puis c'est comme son repas là, puis... puis c'est ça, moi je trouve vraiment le fun le personnage, comme tu dis, c'est bien enfantin, mais il y a bien des, parfois il y a des petites jokes qui sont un peu moins enfantins, je trouve qu'ils fonctionnent, comme à un moment donné Il y a comme un genre de détecteur d'empreintes, puis là, il cherche à être la fille des empreintes, puis à un moment donné, il est comme « Oh, il y a quelqu'un qui a touché tes fesses », puis elle est comme « Oh mon Dieu », puis il dit « Je vais checker c'est qui », puis là, ça dit, en tout cas, dans ma version, ça dit « Ryo Sabat, obsédé », puis en tout cas, ça commence à le décrire, puis il fait une face comme « ça doit être une erreur de la machine ». Je trouvais ça vraiment très drôle, ça aussi. Mais il y a une petite passe avec un gay. J'ai fait, c'est vraiment une joke. C'est vraiment un film de 93 parce que c'est un gay prédateur là-dedans. C'est le gars, c'est un terroriste. Puis les filles essaient de le séduire, ça marche pas. Puis le gars, il essaie de séduire. Ah oui, je m'en rappelle. Séduire un des bons, un de la gang à Jackie Chan. Puis on voit le gars, le personnage, le bon. La scène d'après qui manque des bouts de sa chemise au niveau des seins puis au niveau des fesses, comme si ce qui laisse sous-entendre que le gay lui a arraché ces morceaux-là, tu sais, puis que le gay essaie vraiment de le violer dans le fond, tu sais, quasiment, tu sais. Mais c'est vraiment une vieille idée, là, c'est une vieille joke de gay qui est prédateur puis qui va te violer, tu sais, à tout coup, là, tu sais, qui... Ouais, mais c'est très ancré dans l'époque, comme ouais. Tu dis aussi. Puis ouais. Surtout, ce qui est drôle par contre de cette scène-là, c'est que t'as la fille avant lui qui va avec les seins full à l'air puis full sexy, puis ça va le voir, puis elle commence à le faire de la manière, mais lui, il s'en fout tellement des femmes, tu sais, qu'il casse la gueule vraiment, littéralement, il donne des coups de poing dans le ventre, puis il pitch à l'autre bout. Là. T'as souvent des réactions extrêmes, les personnages. Ah, oh, vraiment, c'est tout le temps des grosses réactions. Puis des fois, t'en as qui regardent la caméra, qui fait des grimaces, là, comme le gars qui accompagne l'assistante de Jackie Chan, qui est vraiment un insignifiant, oui. Là, qui lui est amoureux d'elle, mais elle veut jamais rien savoir de lui. Là, puis c'est... Maintenant, elle va l'assommer avec une assiette. Oui, c'est vrai, avec une assiette. Ben, encore là, ça me fait rire. Elle est super amoureuse de Jackie Chan, mais Jackie Chan, lui, est trop obsédé par les femmes. Fait qu'à chaque fois... À chaque fois qu'elle essaie d'aller vers lui ou Jackie Chan commence, puis Jackie Chan finit tout le temps par aller ailleurs, puis elle est fâchée contre lui, puis elle est tout en train de vouloir l'assommer ou il pitche un gâteau d'en face. Là, comme à un moment donné, elle avait préparé un truc oui. De fête, mais lui, finalement, les femmes qui sont allées, c'était toutes des filles avec qui il avait couché, puis qui sont là pour se venger, mais elle pense qu'ils sont là pour coucher avec lui, puis que lui, il en profitait. Là. Puis elle vient pour y pitcher le gâteau, mais le gâteau tombe dans le hamac, puis ça y revient en pleine place à elle. Puis... C'est vraiment de loufoque au bout. Là. Puis c'est où qu'il habite? Il habite dans un genre de garage avec des chars puis des boîtes. Puis... Non, ça a vraiment l'air d'un garage, appartement ou je sais pas trop, avec plein de voitures. Puis... Ça, c'est peut-être expliqué dans le manga. Ouais, c'est sûr, il y a des petits détails que je cherche pas trop loin, que je me dis, gars, j'imagine, ça doit être plus l'air dans le manga. Mais voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde, j'ai oublié. Mais on va. Tant qu'à pas me rappeler ce que je voulais dire, on devrait parler de la grosse scène, la grosse scène de Street Fighter. Street Fighter, oui, que pour la plupart qui avaient vu cette scène-là à l'époque, disaient que c'était une meilleure adaptation que le film avec Jean-Claude Van Damme. je peux pas dire le contraire parce que ils ont vraiment pris les costumes exacts, puis même la manière que les personnages bougent, puis se battent, puis les bruits. Les sons, je pense, c'est ça. Les sons, ouais, c'est la même, en fait, le jeu vidéo, puisqu'il va y avoir une scène de combat de Jackie Chan, puis un des gardes du corps du méchant qui est joué par Gary Daniels. Moi, j'aime beaucoup Gary Daniels, il y en a sûrement qui ne connaissent peut-être pas beaucoup, mais c'est un gars qui a joué dans plein de séries B d'action des années 90. Là, c'était un peu un genre de Michael Dudikoff puis Dolph Lundgren dans ces années-là, avec un peu moins de succès, par contre. Je le connaissais pas, mais sa scène d'intro dans le film est assez impressionnante quand il est dans sa chambre puis il fait ses entraînements puis il fait sa split puis tout. Ouais, il a vraiment des habiletés physiques assez impressionnantes. Puis ils vont se battre dans une espèce de salle de jeux vidéo puis ils vont envoyer Jackie Chan valser dans un jeu vidéo qui va éclater puis il va se faire électrocuter puis il va se transformer en personnage de Street Fighter puis lui aussi. Puis là... Le Gary Daniels, lui, va être déguisé en Ken parce qu'il a vraiment les cheveux blonds qui fit pour. Puis Jackie Chan, lui, va se transformer en plusieurs autres personnages. Au début, il va être... C'est qui le premier personnage qui Ah, qui... je me souviens plus les noms. Le gros, l'espèce de sumo oui. Là, qui fait des bruits. Puis à un moment donné, il va même être un personnage féminin qui va être... c'est quoi son nom à elle? Chun-Li, c'est ça, puis le pire, c'est que ça fonctionne, Jackie Chan, il ressemble vraiment à Chun-Li. La scène est vraiment le fun, elle est délirante, c'est vraiment what the fuck. Dans les coups de poing qu'il donne avec son bras, qui est comme, on voit son bras en trois exemplaires quasiment, là, tu sais, puis... Ouais, non, c'est ça, full rapide, là, puis les Hadouken, Hadouken! Non, ça, c'était le fun, ça, j'avoue que cette scène-là était vraiment tripante, là. Puis, mais, tu sais, le bateau... Oui. L'aspect bateau du film, je le perdais des fois. Des fois, j'avais l'impression... J'oubliais que c'était un bateau. C'est parce que je l'oubliais pas parce que je le savais, mais tu sais, j'aurais pu facilement l'oublier, je pense. Certains lieux, des fois, ça aurait pu être juste un hôtel ou quelque chose comme ouais, ça. Oui, c'est vrai. T'sais. Non, oui, c'est vrai, avec les chambres puis tous les escaliers, on pourrait penser... Poséidon, en tout cas, il essayait des fois, la caméra bougeait tout le temps, tu sais, essayait d'aller de gauche à droite, tu sais, pour donner l'impression que ça bougeait souvent, tu sais, mais surtout au début du film, quand ils sont dans la salle de bal, tandis que lui, je sentais moins un peu l'aspect bateau, là. Ouais, c'est pas obligé de faire ça tout le temps, tu sais, mais je sais pas, je trouvais qu'il manquait de quoi pour me garder à l'esprit que c'était sur un bateau. Là. Mm-hmm. Puis, j'essaie de... Parce qu'il y a tellement de scènes dans ce film-là que j'essaie de... pas passer par toutes, là, parce qu'on passerait 2 heures, mais j'aime beaucoup aussi la scène au cinéma que Jack Chan va se battre oui, contre deux espèces de grands Jack de joueurs de basket, là, puis il arrive toutes sortes de trucs loufoques. Il y en a un qui donne un coup de pied sur son corps, puis le pied est vraiment gigantesque, là, puis il regarde ça, puis il est comme oh! Puis il va s'inspirer du film qu'il joue dans la salle de cinéma pour réussir à les battre, qui est Game of Death de Bruce Lee, où il se bat justement à une des scènes cultes, qui se bat contre le fameux joueur de basket qui est vraiment géant. Puis là, Jackie Chan va utiliser ses trucs pour se battre contre lui. Puis la scène est vraiment inventive, puis vraiment le fun. Puis à la fin, il va comme faire thank you Bruce, puis Bruce Lee va comme lui répondre à travers la salle, l'écran de cinéma, là. Puis c'est ça que je trouve fun aussi dans ce film-là. Je l'ai choisi parce que, comme je te dis, je sais que tu n'es pas forcément fan de films de fight, mais j'essaie, à chaque fois que je prends un film asiatique, d'en prendre un qui ne ressemble pas à un autre que je t'ai fait écouter. Mm-hmm. Puis je me disais que dans cela, tu sais, c'est oui, il y a des combats, mais tu sais, c'est pas juste comme coup de poing, coup de pied. Tu sais, ça essaie d'être inventif, c'est un peu loufoque, il y a quand même de la diversité, il y a beaucoup d'interactions avec les objets, ces choses-là. Fait que je me disais, tu trouverais ça... peut-être plus divertissant justement que juste un gros fight à mettons 10 minutes bien sérieux qui font juste se battre puis c'est tout là. Ben, je suis en train de. À chaque fois que je m'écoute parler d'un podcast quand je fais le montage, je trouve que je sonne comme un vieux grincheux des fois, mais c'est ça. je le trouve un petit peu trop enfantin, mais j'avoue qu'il y a des scènes le fun, tu sais, comme justement la scène du cinéma, la scène de Street Fighter, puis quelques autres. Je peux pas dire que je me suis amusé tout le long. Je le trouvais justement trop léger pour le prendre au sérieux. Au sérieux, pour oui, c'est pour m'attacher au personnage ou quoi que ce soit. Je les trouvais vraiment trop cabotin, toute la gang, là, tu sais. Ah oh oui. Mais non, c'est divertissant, ça, c'est sûr. Puis ça passe quand même assez vite, là, même si j'ai dit tantôt que je m'étais un peu endormi. C'est ma réaction naturelle, je pense, à ce genre de film-là. Je peux pas vraiment l'expliquer ou l'excuser ou quoi que ce soit. Là. C'est correct. Mais non, c'est ça, t'sais, dans son genre, c'est le fun, t'sais, mais puis j'ai une amie sur Facebook, une Française, qui m'a écrit en commentaire, justement, quand je l'écoutais, elle me dit « C'est une très, très mauvaise adaptation du manga, mais ce film-là est hilarant, t'sais, t'sais. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire qu'il est hilarant, j'en ai vu d'autres qui sont plus drôles que ça dans ma vie, des films, mais... Honnêtement, j'ai d'autres classiques... asiatique que je pourrais dire que c'est beaucoup plus hilarant que je te ferais écouter. C'est comme il y a des classiques de Stephen Chow où c'est un humour un peu stupide, mais pas enfantin comme City Hunter. T'sais, je dirais pas que City Hunter, c'est le film le plus hilarant que j'ai vu asiatique, vraiment pas. Mais c'est un qui me divertit beaucoup. C'est surtout ça en tant que tel, puis je finis par embarquer dans cette grosse plaisanterie-là. Je prends pas ça au sérieux non plus. C'est difficile de prendre ce genre de film-là au sérieux. C'est vraiment une version... cartoon de Under Siege avec Steven Seagal. Là, mais je pense que justement, vu que je savais pas à quoi m'attendre, j'essayais de m'accrocher à quelque chose qui était pas là. J'essayais de m'accrocher à des affaires sérieuses qui étaient pas là. Puis là, une deuxième fois, je saurais plus à quoi m'attendre. T'sais. Puis je voulais mentionner aussi, il y a un long combat final contre Richard Norton que je trouve vraiment le fun. Encore là, l'aspect humour est là tout le long, mais la scène est impressionnante parce qu'ils vont utiliser vraiment toutes les interactions avec les chaises, les tables. Lui, il va utiliser 2 bâtons comme pour... Je me disais, si ça avait été le combat entre Stallone puis Van Damme dans la fin d'Expendables, ça aurait été épique. Là, ça l'aurait dû être ça. J'en reviens toujours avec ça, mais tu sais, c'était un combat de 2 minutes à peu près, pas plus que ça, tu sais, à la fin d'Expendables, tandis que lui, il dure genre 15 minutes ou je sais pas trop quoi, là, mais c'est épique, là. Tu sais, dans Expendables, il savait, là, que le monde attendait ça, tu sais, qu'est-ce qu'on attendait, c'était le combat Stallone puis Van Damme, fait que donne-nous de quoi d'épique, puis il donne pas. Puis moi, quand j'écoute un film d'action, de combat, je m'attends à ce que la fin soit épique, c'est supposé être de même. D'habitude, le dernier combat, c'est supposé être le clou du spectacle. Tu sais, je veux dire, au moins City Hunter, là-dessus, il livre la marchandise. Ah oui, ça, j'avoue, tout à fait. Là. La scène est vraiment le fun, parce qu'à chaque fois que tu penses que ça va arrêter, ça continue avec un autre ajout, ses bâtons se transforment en genre de fouet, puis t'as un moment donné qu'il s'amuse à cogner Jackie Chan de côté en côté, puis lui il a des bâtons, ça y fait rien, mais il commence à danser genre du breakdance en même temps, puis il fait vraiment des moves à la Michael Jackson, il fait le moonwalk, puis c'est tellement drôle. Au départ, l'autre, il sort ses deux bâtons, puis il fait un petit bruit avec. Lui, Jackie Chan, il est comme il me lève ses deux bras des airs, comme en voulant dire, moi j'ai mes deux bras vieillants. Il commence à le cogner une couple de fois, puis il essaie de faire comme si ça y avait pas fait mal, mais après ça, il est comme ouch, ouch, puis il commence à pleurer des larmes. Là, puis... La seule note que j'ai prise par rapport à la finale, puis tu sais, je trouvais ça super épique le combat, puis dans le fond, le méchant, il est au même niveau que Jackie Chan physiquement et dans ses talents de combat, tout ça. La seule note que j'ai prise, puis on va spoiler la fin du film parce que le méchant, il meurt. Oui. J'ai marqué, le méchant est mort à cause de sa propre erreur, pas à cause du talent de Nikki. Ouais. C'est, le méchant va marcher sur une de ses bombes puis va exploser. C'est même pas à cause d'une pause que Jackie Chan a faite ou quelque chose du genre. Fait que dans le fond, le combat aurait pu durer encore une autre demi-heure, puis ça aurait pu être le méchant qui aurait gagné. Il était aussi fort, dans le fond, tu sais. Non, c'est ça. C'est une erreur stupide qui a fait que là, OK, ben, il fallait arrêter le combat, fait que là, il fallait trouver une façon que le méchant meure, mais les deux personnages sont à égalité, quasiment. Puis il y a bien des films de combat, même quand tu regardes les vieux Van Damme des années 90, là, souvent, le héros, il va se faire péter à gueule non-stop au début pendant un bon 5 minutes, puis après ça, pour aucune raison, il va retrouver sa force, puis là, il va péter à gueule au méchant, puis ça va finir de même. Tandis que Nicky Larson, tout le long, c'est comme... Par moment, Jackie Chan, il pète un peu plus la gueule. Par un autre moment, c'est Richard Norton. Puis c'est même tout au long du combat. Tu sais, comme tu dis, c'est très égal. C'est rare que tu aies un méchant aussi égal que ça. Non, d'habitude, c'est ça. Il y en a tout le temps un qui est plus au-dessus de l'autre. Là. Fait que non, ça, j'ai apprécié ça. Puis c'est ça, comme je disais, une deuxième écoute du film, je l'apprécierais plus en sachant exactement ce que c'est maintenant. T'sais. Ah, puis à un moment donné, il y a une scène, je trouve. Encore pour revenir, j'aime beaucoup les pauses de Jackie Chan à chaque fois. Puis là, c'est là que t'entends le City Hunter ou le Nicky Larson. T'sais, vraiment dans des pauses ridicules. T'sais, il se bat au cinéma, il se tient sur un rideau de côté au mur. Puis là, il se passe la main des cheveux. Là, ça fait City Hunter. Ou il y a un autre moment qui sont comme cachés au deuxième étage. Puis t'as les terroristes en bas qui sont en train de discuter. Puis là tu vois qu'il passe devant une caméra. Fait que là, les terroristes peuvent le voir sur grand écran. Lui, il fait juste se voir sur grand écran. Puis il est comme, ouais, je parais bien sur la télévision. Ou à un moment donné, il va comme sauter sur un espèce de dauphin attaché après une corde. Il va mitrailler tout le monde sur le dauphin. Mais encore là, il va garder une espèce de pose classe là, sur le dauphin. Mais tu sais, c'est tellement ridicule en même temps. Puis il va se péter la gueule finalement. Là, puis... ça, c'est un autre aspect, je trouvais drôle. Chaque fois qu'il faisait des poses, là, tellement... il s'aime tellement le gars. Là. Puis ce que j'aime des films de Jackie Chan aussi, j'avais oublié cet aspect-là, c'est qu'à la fin du film, dans le générique, t'as souvent des bloopers. Ah, ça, c'est le fun, c'est vraiment... Puis, je me rappelle de ça, de ces films des années 90, je sais pas s'il le fait encore de nos jours, mais... Ouais, je te dirais que je pense que pratiquement aucun de ces films que t'as pas un générique qui montre les bloopers, autant au niveau cascade que les comédiens. Puis j'ai rien de spécifique à dire sur ceux-là, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié de ben, voir... Ce qui marque le plus, je pense, dans les bloopers de celui-là, c'est que tu vois que tout le monde avait du fun. Oui. Tout le monde s'éclatait sur le tournage, là, puis ça avait l'air vraiment juste vraiment le fun. Là. Tout le monde avait l'air d'embarquer dans cette espèce de délai-là. Puis, Mais c'est le genre de gars que si t'étais dans cette industrie-là, t'aurais envie de travailler avec, c'est sûr. Là. Ouais, non, vraiment. Là. Il a vraiment l'air sympathique, Jackie Chan. C'est ça son attrait aussi. Là, c'est pas juste qu'il est bon puis tout, mais il a l'air sympathique. Fait que t'as envie d'aller vers lui, tu sais. Puis il se soucie beaucoup de la sécurité de tout le monde, puis c'est toujours le principal pour lui. Là. Il y a une autre scène aussi que je voulais demander ton opinion, qui entre aussi dans l'aspect what the fuck du film. À un moment donné, tu vas avoir un moment musical, parce que tu sais, je pense à toi, JF, puis je me disais, il va avoir un moment musical pour JF, et on va avoir un petit duo de chinois habillés en cuir avec des casquettes qui fait très, très musique à la Village People, leur déguisement. Qui vont chanter une tune bizarre qui va vraiment être là pratiquement pendant 3-4 minutes. Là, puis ça fait vraiment comme... Je suis pas le meilleur imitateur, là, mais la chanson, ça donne un peu comme... Puis c'est ça. Je voulais savoir ce que tu avais pensé de ce numéro musical-là. J'ai pas aimé. Honnêtement, j'ai pas aimé. J'ai pas accroché pas en tout. Même qu'à un moment donné, je pense que je regardais ailleurs parce que j'avais hâte que ça passe... J'étais juste plus... Non, c'est la seule scène où je me suis vraiment désintéressé du film. C'est niaiseux, là, c'est la scène musicale, parce que normalement, c'est ce que j'aime souvent le plus dans les films, mais non, celle-là, j'ai pas... Dans les deux films dont on vient de parler, là, c'est les scènes musicales, c'est pas les affaires là, qui s'en sortent le mieux. Là, dans, Non, c'est vrai, hein? Quand on en regarde, les deux ils ont une scène musicale pas terrible. Non, ça, non. Puis c'est... Ah, j'ai tout le temps peur de sonner soit raciste ou quelque chose du genre, mais tu sais, non, les chansons dont j'arrive pas à comprendre les paroles, tu sais, je dis ça, puis en même temps, j'ai pas de misère avec les films indiens puis les chansons en indien, mais je pense que ce genre de chansons-là, comme on entend dans ce film-là, ça m'intéressait pas, fait que... Je comprends. T'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'il disait? Oui, puis ben, j'aime les paroles de chansons, moi, en général, mais c'est mm-hmm. J'aime autant la mélodie que les paroles, sinon encore plus les paroles, tu sais, faut que je m'accroche à quelque chose, tu sais. Mais même dans la version originale, ils n'ont pas mis de sous-titres pour la chanson. Puis c'est drôle parce que d'habitude, la plupart des films que j'écoute, il y a quand même des sous-titres même quand ça chante. Là. Fait que, tu sais, on avait écouté The Rooftop, puis il y avait des sous-titres pour les chansons. C'est ça, oui. Puis ça, j'adorais la musique. Ça. J'ai adoré les chansons. Je me suis trouvé la soundtrack, puis j'ai adoré ça. Là. Non, ça, c'était juste un petit beat pop de l'époque. Puis c'était juste trop bizarre comme scène. Non, ben, c'est vrai. C'est très bizarre. Oui. Un autre petit point que je voulais encore mentionner, c'est drôle, je sais pas dans ta version qu'est-ce qu'il disait, mais moi dans la version où j'écoutais, le méchant au début il dit, quand il se présente à la foule, il est comme je me nomme Hamburger ou quelque chose de même, mais il dit vu que je me nomme de même, vous pouvez m'appeler McDonald. Fait que tu sais, dans le fond, tout le long du film, il s'appelle McDonald à cause de son nom de famille qui sonne avec Hamburger. Je me souviens plus. Je le retrouverai, puis non, je me souviens pas. Mais... Ça m'intriguait de voir qu'est-ce qu'il allait dire en français s'il faisait juste répéter ça. Non, je me souviens vraiment pas. Ben, tu vois, ça doit être... c'est peut-être ça, parce qu'il marque sur Wikipédia que son nom... Je suis Wikipédia français, puis ça marque Falcon/McDonald. Ah, sûrement qu'il doit le reprendre d'abord. Ouais, j'ai pas accroché sur ce joke-là. Mais je me rappelle ça me rappelle de quoi ton affaire d'Hamburger, mais j'arrive pas à voir tout à fait la scène dans ma tête. Là, mais je l'avoue en partie. Là, mais... Ouais. Sinon, un autre moment que j'ai bien aimé aussi, j'en dis plein, mais là, c'est parce que j'ai pas la chance souvent d'en parler souvent de City Hunter et du monde. C'est pas tout le monde qui a vu ça. Mais j'aime beaucoup quand tu parles de films, de certains de ces films-là avec moi, parce que je suis pas tout le temps le meilleur public pour ça. Mais... Ouais, mais tu sais, encore là, moi je me compte chanceux ou content plutôt. Tu sais, t'as pas détesté, puis je trouve que t'es quand même. Tu sais, je m'attendais pas à ce que tu me dises c'est de la bombe, Steven, c'est le meilleur film que j'ai vu dernièrement dans le bras de fer. T'sais. Mais j'irais pas non plus détruirais pas le DVD qu'une massue non plus. Là, mais... C'est correct. T'sais, si j'avais un enfant, un jeune enfant, je pourrais le faire écouter et avoir du fun. Mais j'aimais beaucoup la scène avant le combat final, à la fin, où il va utiliser sa partenaire, parce que son revolver à elle va être comme coincé dans son. Dans sa poche de jambe, fait qu'il va comme danser avec elle en même temps d'utiliser son revolver pour tirer les terroristes. Puis à un moment donné, il part vraiment juste dans une grosse danse, là, puis la musique part, puis il n'y a même plus de terroristes, puis ils font des tourniquets, des bouquets, puis tout. Puis je trouve encore là, c'est une scène super le fun. Puis je trouve que ça reflète bien le reste du film. Mais, ouais. Je vais arrêter de toutes les nommer, parce qu'il y en a vraiment des tonnes. Moi, comme je disais, à partir de quand les terroristes embarquent, je trouve que c'est quand même un feu roulant de scènes de fun, puis on a pas trop le temps de s'emmerder globalement. Je n'ai pas parlé, je pense, mais non, je n'ai pas parlé. La relation entre lui et la fille dont il s'occupe, je pense qu'elle s'appelle Sonia en version française, c'est weird parce que au début du film, son partenaire à lui meurt, puis il lui demande de prendre soin de sa fille qui a genre peut-être 14 ans, tu sais, à ce moment-là. Puis il va avoir comme un passage du temps où elle va vieillir. Tu sais, au début, quand son partenaire meurt, il demande à Nicky Larson de faire la promesse de pas sortir avec sa fille, de pas vouloir coucher avec elle ou quoi que ce soit. De pas tomber amoureux d'elle, c'est ce qu'il a dit. Puis, chose, il a fait de la promesse. Puis, de suite après, la scène d'après, on le voit, puis qu'il regrette. Une fois qu'il est rendu vieil, il regrette, puis qu'il dit pourquoi j'ai fait la promesse. Puis, mais c'est creepy un peu. C'est comme, c'est une fille que t'as élevée là, quand elle était jeune, même pas adolescente, je pense. Puis, c'est toi qui l'as élevée, t'es quasiment un père adoptif pour elle. Puis, ouais. Tu voudrais revenir sur ta promesse, puis elle, en plus, est amoureuse de lui. C'est un peu creepy. Mais c'est drôle parce qu'en même temps, tout le long du film, il a pas l'air autant. Intéressé que ça, finalement. Ben non, finalement, une fois qu'il a trouvé l'autre fille, c'est correct. Puis même vers la fin, je veux dire, il vient pour y donner une rose à elle, puis tout ça, puis là, il y a une autre fille qui va débarquer, puis finalement, il va y reprendre la rose des mains, puis il va aller croiser l'autre fille, tu sais. C'est comme, finalement, c'est pas forcément qu'il... Je pense pas qu'il soit amoureux d'elle ou quoi que ce soit. Je sais pas comment c'est exploité dans le manga, ça. Non, ben, c'est vrai, ça m'intrigue. Ben, premièrement, je sais même pas si dans le manga, il faut qu'il s'occupe de sa nièce ou ces choses-là. Là. Non, je sais pas. Parce qu'apparemment, c'est vraiment différent. La seule chose qui est quand même présente dans le manga, de ce que j'ai entendu dire, c'est que le détective est un obsédé envers les femmes, puis c'est un côté loufoque-là. Il y a une couple d'affaires qui sont là, mais globalement, ça ressemble pas à ça. Là. Ouais, ben c'est ça. Tantôt, je voyais qu'il y avait une autre adaptation aussi en film. T'as pu j'essaie de trouver le titre. C'était... Monsieur Mumble? Mumble. Mr. Mumble. Puis il parle aussi qui est obsédé par les femmes. Fait que, ouais, c'est vraiment... Celui-là, je l'ai pas vu, par contre. Je pourrais pas... Non, c'est ça, moi non plus. Là. Ça date de 96. Puis j'ai pas vu qui était dedans, là, mais non. Mais c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour? Ou est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais mentionner? Non, dans mes notes, il n'y avait plus rien, puis non. C'est ça, tu sais, moi je le recommanderais, c'est du gros, gros fun cartoonesque, sans aucun sérieux, avec des personnages plus gros que nature, puis un Jackie Chan très sympathique, là, tu sais, mais obsédé sexuel, mais très sympathique. Très sympathique. Puis une scène de Street Fighter qui est très intéressante. Puis quelle autre scène qu'on a dit aussi qui est très intéressante? Le combat à fin. Voyons, c'est quoi l'autre scène? Il y avait la chambre d'hôtel avec les trois femmes. Je trouve cette scène-là aussi très intéressante. Puis une autre que j'oublie, mais en tout cas... Mais non, c'est ça. La scène du cinéma, je pense. Exactement. Ouais, c'est celle-là est le fun. C'est les trois, quatre grosses scènes pour moi, là, dans ma tête, là. Tu sais, juste pour amplifier encore l'aspect cartoon, vous n'êtes pas certain, là, tu sais, si ça vous dérange pas de voir un personnage qui tombe de haut sur un plancher, puis que finalement, quand il revient en bas, ben, il y a un trou avec sa forme de corps en plancher. ça va jusque-là. Là. Ça fait quasiment la genre fait la farce. Là, ouais, ouais, non, c'est ça. Là, c'est pas loin d'être ça. On a parlé de Destiny Lison tout à l'heure, il fallait que je fasse une référence à la genre fait la farce. Là, tu vois, on trouve plein de connexions. Là. Oui. Ça arrête plus. c'est comme le truc Kevin Bacon. Là. Tout est relié. Tout le monde est relié à Kevin Bacon. Bon, fait que sinon, fait qu'on a fait le tour. Fait que prochain épisode, on fait un épisode live. Yes, time out. La semaine prochaine. En ce moment, on enregistre. On est le 5 octobre, si je ne me trompe pas. Et ouais. Ça serait donc dans une semaine, probablement le lundi après-midi. On confirmera dans les prochains jours. Et après ça, là, je vais finir par le révéler. Je vais le révéler maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire à la fin du mois. Parce que ça fait longtemps que j'en parle. Je dis, on va faire un épisode spécial, bonus, ou appelez-le comme vous voulez. On va aller voir un film au cinéma qui va sortir à la fin octobre. Et on va en parler, un film pour lequel il y a quelques attentes. Je ne dirais pas que les attentes sont énormes, mais il y a des gens... l'attente plutôt qu'un fanal avec du goudron et des plumes, là, le film, ils attendent de le démolir. Fait que moi, ce que je voudrais, c'est qu'on aille voir le film. Je vais finir par nommer ce que c'est, mais j'aimerais qu'on aille voir le film puis qu'on réponde à la question « Est-ce que c'est une réussite ou... » Un navet. Ou un navet, un échec énorme. Ouais. Donc, le film, ça va être Jem et les hologrammes. notre ami Sébastien d'Horror Gamer pensait que je parlais du film Crimson Peak, mais non, on va aller voir Jem et les hologrammes, le film du studio Blumhouse avec Audrey Peebles dans le rôle de Jem, l'adaptation du dessin animé des années 80. Pour l'épisode, on devrait avoir des invités. Je nommerai pas encore qui parce que je vais attendre que ce soit confirmé, mais on va avoir du monde avec nous. Fait que ça devrait être drôle et amusant. Et juste le fait qu'on ait payé chacun 13$ ou 14$ pour aller voir ce film-là, c'est juste drôle d'avance. Fait que... Ouais, ben là, je trouve ça drôle, mais on va voir si je vais trouver ça encore drôle. Moi, tout ce que... Tu sais, j'ai vu un peu la série quand j'étais jeune. J'ai regardé quelques épisodes sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça pour essayer de me rafraîchir un peu l'histoire. Puis je vais sûrement regarder d'autres avant qu'on aille voir le film, mais c'est pas vraiment nécessaire. Je sais que toi, tu n'en as jamais vu d'épisode. Puis, non. Comme tu dis, c'est pas vraiment nécessaire. T'sais. Puis ça serait le fun d'avoir différents points de vue. Je sais que si on a les invités que je veux, bon, on va avoir quelqu'un qui est très, très fan de la série originale. Fait que ça va être très drôle. Oui. Et non, ça devrait être un épisode intéressant. Moi, je vous invite à écouter ça quand ça va sortir. Le film sort au Canada le 23 octobre, et que dans les jours ou semaines, ben pas semaines, mais genre les quelques jours qui vont suivre après, on devrait avoir un épisode d'enregistré. Là. Ouais. Fait que sinon, ben ça ressemble à ça, notre horaire du mois d'octobre. On va prendre un petit break entre le Time Out et entre Jem, mais c'est genre un petit break de deux semaines, même pas, là, tu sais. Fait que juste pour que moi je puisse. C'est moi qui en ai besoin, là, juste pour prendre un peu de prendre un petit break de film. Un peu d'énergie. Oui. Il y a tellement de séries télévisées, c'est ancien, c'est fou. Là. Puis j'en suis quasiment 15 ans. Ouais, puis avec les autres qui commencent dans Poidon, ça va juste empirer. Il y a Homeland qui vient de commencer, là, tu sais, que je vais aller écouter l'épisode ce soir ou demain, là, fait que. Mm-hmm. J'en ai trop, mais c'est moi qui s'impose ça, mais j'en ai trop. Ouais, c'est ça, toi, tu veux trop en écouter en même temps, c'est qu'arrive. S'il fallait que je les compte, je te jure, je pense que j'en suis 15, ou peut-être même 20 en même temps, là, en ce moment, tu sais, avec X-Files et toutes les vieilles affaires que je réécoute, là, mais... Ah, c'est fou. Fait que là-dessus, on va se laisser sur la chanson de City Hunter, c'est Jackie Chan qui la chante, tu me dis. Hein. Oui, c'est bien ça. C'est comme ça que ça s'appelle, je pense, ta chanson? Je pense que oui. Je pense qu'elle fait juste se nommer City Hunter. Bon, fait que là-dessus, on se laisse. Et on se revoit bientôt la semaine prochaine pour le Time Out. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. 眨眼人又近，只好繼續做，狂歡。